petit bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui ? La même chose que tous les mois, mon bibou. Faire un petit podcast. Bibou et bibounette, bibounette et bibou. Ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou Bibounette. Chez Bibou, Bibou et Bibounette. Net, net, net, net. Bienvenue chez Bibou et Bibounette, le podcast. Je suis Bibounette. Bonsoir, mon Bibou. Je suis Bibou. Bonsoir. Faut que t'arrêtes cette blague, oui. Bibou. Comment tu vas, mon Bibou ? Eh bien, écoute, ça va et toi, Bibounette ? Eh bien, ça va bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés derrière les micros. Et quoi de mieux pour ce retour derrière les micros qu'une petite revanche ? Ouais. N'es-tu encore pas d'accord ? Un petit quiz contre Michidar et Ego. Tout encore, à fait. Je le redis encore. Non, on va leur mettre de nous. Enfin, on va essayer de leur mettre la branlée parce que la dernière fois on était ex-aequo. Vous avez rien branlé du tout la dernière fois. On a fait ex-aequo. On a fait ex-aequo et c'est grâce à moi en plus. Ouais, voilà. Et à moi en plus. Et surtout un point, grâce un point que je vous ai donné quoi. Et surtout grâce aux questions de Dallas qu'on ne présente plus maintenant, notre acolyte de quiz, Aka Dallas, donc qui va être le maître de cérémonie et nous affronterons bien sûr sur Mathieu et Nico, et je suis Nini, accompagnée de Juju. Aka Dallas, je te laisse les clés de la maison. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Yannick. Salut Yannick. Bonsoir Yannick. Comment allez-vous ? Yaya, si vous voulez. Yaya. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va bien, tout le monde ça va bien. Ça va très bien. Bon, ça va super. Ouais, ça va. Moi, comme disent les jeunes, je suis chaud comme une baraque à frites. Oh. Alors, attends, quel jeune ? Ceux des années 80. Ils disent ça. Alors, podium, ça date de quand ? Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que podium, c'est 2004. Hein, voilà, c'est ça. Non, ils disent ça. Tu peux rayer cette question d'ailleurs, Yannick. On a déjà la réponse. Ça, c'est fait. Non, ça va bien. Je vais essayer d'être très sage et très gentil, contrairement à d'habitude. Et donc, tu ne vas pas réussir. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, c'est une chanson de Claude François. Il nous podium. Pourrira. Podium, c'est la soirée podium en fait. C'est la soirée Claude François. Ah voilà, c'est d'ailleurs, ça. Vous l'apprendrez peut-être, mais Nico fait un super Claude François et le jour où on fera un tout comme Claude François, il sera incroyable. Incroyable. Ah, ça y est, cet épisode est sponsorisé par nos amis. Alors Stucom. Nico, blague à part, je ne savais pas ça. Par contre, j'ai un projet, je t'en parlerai plus tard, à te proposer. Ah, d'accord. Ouais. J'espère que Mathieu ne sera pas j'ai jaloux. J'ai très peur. Non, c'est cool, c'est cool. Bon, allez, Yaya, vas-y, reprends les rênes, reprends les rênes. Alors, ce soir, j'ai donc décidé de mettre en thème l'amitié. L'amitié, ah. Je sais que c'est pas très poli, mais je vais commencer par mes amis Bibou et Bibounette, les hôtes du podcast de ce soir. Tu peux m'appeler Nini si tu veux. Nini, oui ma Nini. Et je m'occuperai des deux zigotos après. Ils sont donc pas tes amis a priori. Tu verras après, en toute amitié, c'est toi qui bien en décidera. Moi, je voulais juste vous dire mes amis, mes amours, et puis surtout pas, là, bien sûr, la suite de cette chanson. À force d'émission, je vous remercie à chaque fois de me confier votre bébé et de me confier la présentation de cette émission encore à nouveau. Bah, j'ai plus de mots, en fait, hein, au bout d'un moment. Je voulais du coup simplement vous passer cette petite chanson. Cette chanson de Bruno Mars. Vous irez voir les paroles après, mais cette petite chanson, elle est pour vous. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, je vais avoir la larme à l'œil, ça y est, je vais faire mon œil mouillé. I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. T'es trop mignon. On est là les uns pour les autres, hein, Yaya. Ça a toujours été. Hein. Et ça le sera complètement toujours. Complètement, et c'est très mignon. Et ouais. Oui, je vais perdre mes mots. Voilà, donc... Ma mère, c'est, ouais. Bah non, rien, je vous kiffe, vous savez. Et nous aussi, on t'aime. Vous donner cette petite chanson pour vous, voilà. Et c'est on adorable. Vous aime parce qu'on... Est-ce que c'est pour te faire pardonner d'aller faire des podcasts avec d'autres personnes? C'est pour demander la rupture de mon contrat d'exclusivité. Non, mais il grandit. Tout, voilà. Alors, il a volé il de met ses son caouet ailes. Tout seul, il va faire des courses maintenant. Bientôt voilà. Le scooter, le travail. Voilà. Voilà. Alors, il y a deux belles chansons que tu aurais pu mettre aussi, Yannick. Il y en a plein. Mais c'est vrai que moi, j'ai instantanément pensé à You Can Depend on Me de Bryan Adams, parce que Bryan Adams dans mon cœur. Et aussi, alors, Tu peux compter sur moi de Benabar. Ah je vous laisse découvrir la chanson. Ah oui, mais celle-là, elle est. Oui, d'accord. Okay. Ah, tu sais quoi, on n'en a pas du tout parlé quand on a fait Stockholm Benabar, alors que c'est une chanson que je connaissais. Cet épisode est sponsorisé par Stockholm. Tout comme le podcast qui vous fait chanter, qu'il faut chanter les inconnus d'ailleurs, vice versa. Non, mais je mettrai des bips là. On mettra des bips. Alors, merci beaucoup, de rien, mes amours. Et on vous aime. Écoutez Bryan Adams, c'est important. C'est très bien. Oui. Alors, les deux zigotos d'à côté. Ah. Salut Yannick. Bonsoir, Nico et Mathieu, donc du coup. vous m'avez quand même un tout petit peu bien embêté la dernière fois. Je sais que je vais morfler aussi ce coup-ci. Non, je ne suis qu'un mot. Voilà. La dernière fois, Michidar, je suis désolé, t'as pris un petit peu cher quand même avec ce montage audio. Non, mais c'est pas grave, je t'en veux pas, ça me fait rire voilà. Encore. Et donc là, tu vas en faire un. Non, j'ai décidé pour ce coup-ci de t'en trouver un autre. J'ai décidé d'être gentil. Voilà. Et je voulais simplement vous dire, j'ai eu la chance de vous voir sur et en dehors de la scène à Podren. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que entre vous deux, ça pue tellement la complicité et l'amitié, c'est assez impressionnant. C'est et ça pue, ouais. Ouais, ça sent le sexe. Et quand je vous vois, vous me faites penser aux toutes ces belles relations amicales, limites fraternelles qui existent entre beaucoup de musiciens célèbres, par exemple. Vous voyez, comme on a eu, par exemple, entre Lennon et McCartney. Ah oui, c'est metal. Ça s'est vachement bien terminé. Non, pardon. C'est pas le bon exemple. Je vais en trouver deux choses. Il y a McCartney et Michael Jackson. Ils étaient potes. Oui, très bien aussi. Ils ont fait des. Non, bon, c'est pas. Attends, bon est-ce que plus. Dans cette histoire, je suis McCartney à chaque fois C'est celui qui a du talent, en tous les cas. Tu choisiras. Non, mais alors. Pensez au Chevalier du Fiel. Connard. Ah, ça y est, le premier. Allez, 20h20, je vais voilà. Donner les connards. Non, j'avais pensé à Supertramp aussi. Non plus. Alors, non, mais je vais trouver. Je vous jure, je vais trouver. Il y a du talent, par contre. Je vais trouver. Ah si, j'ai une belle amitié fraternelle, les frères Gallagher. Non, j'ai pas. J'aurais préféré Chirac et Mitterrand. C'est clair. Non. Non, si, ça y est. Et en plus, ça va plaire à Ego. Je l'ai. Ah, je l'ai. Dave Mustaine et James Hetfield. Hein oh hein, ça, c'est des belles amitiés, ça. Ah, ça, c'est voilà. Beau, ça. Ah, ça, c'est beau. Non, en fait, je ne vais pas essayer de trouver un truc de l'univers de la musique parce que ça va être compliqué. Tout ce que je sais, moi, c'est que vous n'êtes pas des gros connards comme tous ceux que j'ai cités avant. Et rien que pour ça, je vous apprécie énormément et que je pense que je peux vous considérer comme des amis. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Je fais des cœurs avec les doigts. La réciproque est vraie. Je suis en train de faire des cœurs avec les doigts. Inversement proportionnel, que sais-je, j'en sais rien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. En fait, en gros, on est en famille ce soir. Complètement. En famille, entre amis. Ça va peut-être pas durer longtemps. juste avant qu'on commence, j'aimerais revenir deux petites secondes sur un truc qui s'est passé lors du match aller. Ah oui. Ouais. Ah, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc, mais je vous fais écouter. Je vous lance le truc, je vous fais écouter. On peut pas demander à Draven. Oh putain. De toute façon, il se planterait. De toute façon, il est nul. De toute façon, moi, dans 24 FPS, je préfère Julien. Et puisqu'on parle du docteur Zaius, merci à lui d'avoir fait le cobaye pour le quiz batterie avec Draven. Et je l'aurais soumis tous les deux. Ils ont été bons. Ils ont été comme aussi vous. Bons que nous. Non, un peu moins bons. Non, ils ont été moins bons que moi. C'est des connards les deux. Je les connais bien. Les connards. Ego tira aux toilettes quand on l'aura décidé. Et on fait des trucs de 5 heures et tout ça. Donc voilà. Mais quel grand pénible. Il, voilà, il s'est donc passé ça. Et je pense que je peux vous dire que ce petit passage ne restera pas sans conséquences pour cet épisode. Vous verrez un petit peu plus tard. Oh. Alors. Il y aura des sanctions. Voilà. Cordialement. Cordialement. Exactement. Exactement. Avec tu, toutes mes amitiés. Tu comprendras pourquoi le cordialement tout à l'heure. Alors, du coup, ce coup-ci, j'ai prévu un petit peu moins de questions à choix multiples parce que j'ai voulu faire un petit peu plus de jeux. D'accord. Voilà. Par c'est contre, une très bonne idée. Nini, je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas de questions coquines sur le cinéma. Quoi ? Ok, bah on annule. Allez, hop. L'émission fera 15 minutes. Voilà. C'était sympa. En voilà, fait, allez. Dans l'avant-dernier CVT, ils ont pris tous les titres des films coquins, drôles. Bah oui. Et ah, c'est vrai. Et du coup, non, pas eu plagiat parce que ça appartient à personne. Mais ils ont tout pris par contre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de dispo. Donc, du coup, je suis désolé, il n'y aura pas de questions coquines sur le cinéma. Tu, faut que t'attendes que tu m'en voudras pas. Faut que t'attendes que le cinéma cochon refasse érotique. Des titres de films rigolos et parce que y a plus rien. Voilà, voilà. Okay, écoute, tu vas devoir traîner sur Pornhub bientôt. Ouais, ouais, fou, voilà, au secours. comme s'il y traînait pas déjà. Voilà. Allons, allons. C'est pour le travail, monsieur. C'est pour le travail. C'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait. Donc, il y aura des petits jeux, il y en aura deux sonores. Et puis, bien entendu, j'ai gardé en réserve un jeu pour vous départager au cas où ce coup-ci. Ah, c'est une idée glorieuse. J'ai prévu. Glorieuse. vous aurez que deux jokers. S'il y a moins de questions, deux jokers. Il y aura le 50-50 et vous pourrez simplement demander l'aide de l'équipe adverse. Une fois. D'accord. Voilà. En belge, donc. Voilà, tout à fait. Une aide une fois. Une aide une fois. Histoire de vous échauffer un petit peu, juste pour savoir qui va commencer, je vous propose un petit jeu qui ne comptera pas dans les points, parce que, en plus, ce sera hyper subjectif. Donc ouais, mais pour le moral, mettre. C'est super important. Voilà, c'est vraiment c'est pour, bon pour le moral. Vraiment pour c'est vous bon lancer. Bon. Je vous propose un petit chacun votre tour. Vous me donnez le titre d'un film, la suite. Qui est meilleur que le premier film. Ok. Ok, je valide ou je valide pas, c'est purement subjectif. Mmh. On commence bien entendu par les invités. Oui. Vous checkez l'un, je check derrière, vous passez vite de l'un à l'autre. D'accord. Et puis, si je valide pas, et ben c'est perdu, c'est l'autre équipe qui commence. Voilà, tout d'accord. Simplement. Comment ça, Mathieu, Nico. Qu'est-ce que tu validerais pas Si la suite est meilleure que le premier. Voilà. Si je trouve que le premier film en fait était meilleur que la suite, je suis pas d'accord avec vous, je valide pas. Et puis tu vois, Yannick, les cahiers du cinéma, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ça marche. Je vois. C'est purement subjectif. Eh bien, mon cher Mathieu, je te laisse ouvrir le feu. Je vais commencer en pensant cordialement à Draven, Terminator 2. Je valide. Retour vers le futur 2. Je valide. Pacific Rim Uprising. Oh putain, non, je peux pas. Non. Le pire, c'est que je le pense sincèrement. Eh ben, je n'en doute pas, t'as le droit d'avoir mauvais goût, mais non, je peux pas valider ça. C'est pas mais c'est pour ton mauvais goût qu'on t'aime, Nico. Aussi. Eh oui, je sais. Et voilà. Bon, et ben c'est fait. C'est Bibou et Bibounette qui commencent. Quoi ? À la grande surprise. Comment ça ? Mais faut aller jusqu'au bout pour qu'il en reste plus qu'un. Non, c'était au premier. Souvenez-vous, Here We Are, Born to Be Kings, tout ça, grosses épées, cheveux longs et tout. Moi, j'en avais encore plein. Mais oui, moi aussi. J'avais 48 heures de plus, qui est vachement mieux que 48 heures. Speed 2. Les deux tours, qui sont meilleurs que le Seigneur des Anneaux. Ah non, ça c'est nul intégralement, ça. Là. Ah putain, j'ai pas compris. Je ne juge pas tes goûts. Sois Nico. Gentil. Sois gentil, Nico. Sois par contre, 58 minutes pour vivre est très bien, mais c'est pas meilleur que le premier d'ailleurs. Ah, largement moins bien. Vous digressez là. On prend la main. Tout à fait. Vous prenez la main. Alors, Bibou et Bibounette. Oui. Nini et Juju. Dans Les Évadés de Frank Darabont, tiré d'une nouvelle de Stephen King, Andy Dufresne creuse un trou dans sa cellule pendant des années pour s'échapper. Mm-hmm. Afin de cacher son trou. Il me cherche. Il tend des perches pour mettre dans le trou. Il met un poster au mur qui change au fil des années. Laquelle de ces quatre sex-symboles des années 50 à 70 n'apparaît pas sur le n'apparaît pas. J'ai donc Rita Hayworth, Claudia Cardinale, Marilyn Monroe ou Raquel Welch. Marilyn Monroe. Ouais, je suis sûr de ça aussi. Marilyn Monroe, vous validez? Sans hésiter. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Bah. Non. Si. C'est vrai? Oui. Puisque c'est Raquel Welch. Bah si, Raquel, le... bah, qui n'apparaît pas, Raquel, le poster de Raquel. Non, il n'y a pas Raquel Welch. Bah. Il y a Marilyn Monroe. Bah, dans le film, c'est Raquel. Il parle de Raquel. Non, Raquel Welch n'apparaît pas sur le mur de Andy Dufresne. Oh bah, je suis dégoûtée. Oh non. Arrête de rire, toi. Il va y avoir vérification, là. Ah bah, j'imagine. Ah là là. Non, je te fais confiance. Non, je te fais confiance, mais c'est vrai que dans le film, j'ai encore sa voix qui parle de la belle Raquel. Dit-elle en ouvrant Google. Non, non, non, même pas. Non, non, je fais ça une autre fois. Mais je revendique et je conteste. Et tu mets un... Je mets une étoile. Question en suspens, mais normalement, j'ai vérifié et c'est bien Raquel Welch. Ok, qui n'apparaît pas. Qui n'apparaît pas. On est d'accord. On voit que trois posters. Eh ben, bonjour à tous. Nous sommes le lendemain de l'enregistrement de l'émission et je voulais revenir sur ma boulette, hein, sur la première question pour Bibou et Bibounette, hein, donc pour savoir quel était lequel des quatre stars de cinéma des années 50 à 70 qui n'apparaît pas sur le mur d'Andy Dufresne. Donc, moi, j'étais parti sur Raquel Welch, ce qui n'était bien entendu pas la bonne réponse. Bibounette a dit Marilyn Monroe, que j'ai validé à tort, puisque, bien entendu, c'était Claudia Cardinal. Donc, voilà, la boulette, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, ben voilà, je propose donc d'être puni. Hein, bien entendu, qui dit bêtise dit punition. J'ai préparé une liste. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, là voilà, une liste de punitions. Alors, donc, m'enduire le corps de miel et qu'est-ce que c'est que cette liste? M'attacher les. C'est pas une liste de punition, ça? Ah, ok. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisserai choisir la punition. Moi, il faut que j'y aille parce que là, j'ai un gros, gros pot de miel à aller m'acheter. Salut à tous et puis bah, encore désolé. Je sais pas toi, Nico, mais je suis ravi de ne pas avoir eu cette question. Non, mais je pense que. On va en avoir une de merde d'accord. Aussi, je me doute. Mais ça va ah ouais, être. Voilà. Ah ouais, bah, c'est un film c'est que j'ai vu qu'une fois dont je me souviens pas. Donc, ouais. Si tu veux. Ouais, celle-là, elle va être sympa aussi, je pense. Nico et Mathieu. Je vais pas y arriver, Nico. Fais comme tu veux, en fait. Fais comme tu veux, Michidar. Non, mais c'est Nico. Surtout que j'ai Ego et Michidar en gros sur mon fichier Word en haut, c'est terrible. T'embête pas. Alors. Prof et l'autre connard. Voilà. Oh non. Comment ont été distribués les anneaux de pouvoir entre les peuples de la Terre du Milieu dans, bien entendu, Le Seigneur des Anneaux? Ah. Alors, accrochez-vous bien. Est-ce que c'est 3 pour les hommes, 7 pour les elfes et 9 pour les nains? Est-ce que c'est 3 pour les elfes, 7 pour les nains et 9 pour les hommes? Est-ce que c'est 3 pour les nains, 7 pour les hommes et 9 pour les elfes? Celui-là. C'est celui-là. Ou est-ce que c'est 5 pour les elfes, 8 pour les nains et 24 pour les hommes? Non, c'est l'avant-dernier. Il y en a 7 pour les hommes. Puisqu'il y a 7 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, voilà, 3 pour les nains et 9 pour les elfes. Je crois que c'est ça. C'est ce que je crois, ouais, hein, mais attends, ça se trouve, je me trompe. Hein. Il y en a peut-être 9 et je me gourre et on n'a que 7 cavaliers. Mais pour moi, ce sera celui-là. Ok, bah, je fais confiance à Michidar. Car et il donc, est ma lumière, mon phare. Il est, voilà. Et bah, tu ne devrais pas parce que tu es en train de t'échouer. C'est donc 3 pour les elfes, 7 pour les nains et 9 pour les hommes. C'est 9 pour les hommes, tu vois. Bah, je suis et je suis désolée, Yannick, mais je viens de retrouver le poster de la belle Raquel qu'il y a dans le film. Oh, et j'ai regardé le film. Ouais. Tu sais, quand est-ce que tu sais à quoi photo, ressemble c'est Raquel la belle Welch Raquel. Bah oui, Raquel Welch, oui. T'es sûr? Je viens de retrouver parce le poster si elle est blonde, de la belle c'est Raquel Monroe, du coup. Raquel Welch ou Raquel Welch? Bon, par contre, je suis désolé, Nico. J'étais persuadé qu'il y en avait 7 pour les humains. Moi. Mais pourquoi ils sont... Ah ouais, c'est 3. Non, mais c'est pas non, c'est les Nine Riders. Ils sont 9. Ils sont 9. Effectivement. Ils sont 9, les Nazgûl. Oh, punaise. Je crois. T'es sûr qu'ils sont 9, les Nazgûl? Moi, j'ai le souvenir d'une chanson de Blind Guardian. Et tu pouvais pas en parler avant? Je recommande d'écouter. Non, parce que je, voilà, ce soir, je suis encore plus en dilettante que d'habitude. T'as pas envie qu'on gagne? Ah, mais moi, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Mais moi, en fait, si. Je m'en fous. La mais participation, moi, si, s'il te plaît, mec, donc, la participation. Moi, si, s'il te plaît. Non, mais vous l'entendez. Cordialement. Mais oui, mais va chercher cette victoire. Mais bien sûr, je bah, aide-moi, alors. Mais faut pas compter sur... Aide-moi. Aide-moi. Oh là là, non, je suis pas du tout comme ça. Non, mais c'est pas ça, mais je pense qu'il faut annuler la première question, puisqu'il y avait un problème pour en face. Pour Raquel. Et je pense qu'il faut être honnête. Je veux pas qu'ils perdent un point là-dessus, mais je veux pas qu'ils en gagnent non plus. Donc je pense qu'il faut annuler la première question. Ouais, non, mais à coup de pas. Et ouais, j'ai fait une bêtise. C'était Marilyn. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai mal surligné la mauvaise réponse sur mon fichier. Ah, y a vas-y, pas le poster de Marilyn dans le film. Mets-leur leur point, ne nous en mets pas et on va se débrouiller. Je présente mes excuses. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Non, mais c'est quand j'ai entendu Raquel, j'ai sa voix du film qui fait... C'est grâce à la belle Raquel. Bah oui, et en plus c'est Raquel qui est percée par le directeur et passe exactement. Son point. Pourquoi j'ai Raquel, c'est bien la nana de la planète des singes. Exactement, hein. C'est elle. Oui. C'est la belle Raquel. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais. La ouais, belle Raquel Welch. Il y a Raquel Welch dans la planète des singes. Bah oui. Non, c'est attendez, une question j'ai... que je pose. Non. Ah. C'est pas Raquel Welch. Mais non. Mais non, mais. Mais quelqu'un a dit oui quand Bibou a demandé. Appelez-moi le docteur Zaius, tout de suite. Non, elle est dans 1 million d'années. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ce poster-là. C'est, cette, ouais. Voilà, c'est ce poster-là de 1 million d'années. Voilà. Je serais elle n'est pas énormément vécue sur ce poster, c'est pas grave. Je crois, non bon, en même temps, la planète des singes, voilà. Ouais, c'est elle est magnifique, la belle. Ah, c'est sûr que le podcast est mieux que le film. Hein. Il n'y a pas photo. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai ouais, c'est fait par des ordures encore. Non, mais le podcast est bien. Hein. Le film aussi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec ma fille. J'ai même envoyé un petit message au docteur Zaius pour lui dire on élève les masses. Non, non, ça en mangeant des croque-monsieur. Ouais, voilà. J'ai vu que le premier, j'ai pas vu les suites de l'époque. J'aime bien. Par contre, je me suis infligé le Burton au Cinoche et c'était très mauvais. Mmh. Ah oui, Burton au Cinoche aussi. Et Cata complète. Et alors, les reboots au secours. Ah non, j'aime bien. Ah non, oui, non, je les comptais pas ceux-là. Non, moi j'aime bien les reboots. Non, franchement, ça va. Ça, Mais Yaya, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, vas-y, on enchaîne, allez. Non. On enchaîne, allez. On enchaîne, Yannick, c'est pas grave. C'est tu couperas au montage. Alors, c'est pas grave. 0-0. On coupera. 0-0. On repart à 0. Bon, ah non. En tout cas, non, j'attends que le docteur Zaius lance son podcast sur la guerre du feu, du coup. Parce que là, oui. Alors là, oui. Là, du bon film. Jean-Jacques. Bref. Anneau. Alors. Les anneaux de pouvoir. Sans un canot de pouvoir. Désolé, Yaya. Sans un canot de pouvoir, c'est nul. À la base. Alors, lequel de ces quatre films n'existe pas ? J'ai donc Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein. J'ai Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel. Frankenstein 2000 ou Frankenstein en vacances, un monstre en croisière. Je crois que le dernier, il existe. Il y en a un avec Eddie Mitchell, en tous les cas, je crois. Oui, je crois. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et je crois que c'est comment celui en vacances, justement. Comment vous savez est-ce ça que, est-ce que tu peux les répéter, mon canard bien sûr, mon petit lapin. Mon canard, bien sûr, mon petit lapin. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans un moteur de Galabru dans le gendarme? Qu'est-ce que c'est? Mais sinon, Mathieu, dis-moi, t'as mis ton maillot du Red Star ce soir? Même pas, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'ai l'accent pointu ou je suis sportif? Je te sens sportif, ouais. Sportif. Voilà, c'est le mot. Chaud patate. Nico, ouais, il a compris, c'est sportif. T'es chaud comme la braise. Peut-être qu'il est chaud comme une baraque à frites. Comme disent les jeunes. Donc il y avait les Chipmunks. Il y avait Alvin et Chipmunks contre Frankenstein. Lady ouais. Frankenstein, cet obsédé sexuel. Frankenstein 2000 ou Frankenstein en vacances, un monstre en croisière. On prend. Oh, j'en ai aucune. Je te laisse. Frankenstein 2000. Mais ça pourrait exister. Ils ont fait tellement de trucs avec 2000. C'est quoi? C'est la fiancée de. Lady Frankenstein, cette grosse salope. Lady... Non, c'est pas ça. Ouais, voilà. C'est pareil. Pardon. Désolé, okay. Tu mets ça. C'est pas ça. Cette grosse obsédée. Cette obsédée sexuelle. Cette obsédée sexuelle. Bah ouais. Bah, celui-là. Ouais, celui-là. Alors. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Ouais, ça devait exister, ça. Alvin et les Chipmunks, donc c'est un film en direct ou VOD qui est sorti en 99. Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel. La figlia de Frankenstein, c'est un film italien réalisé en 1971. La obsédé sexuel. La obsédé sexuel. Frankenstein 2000, aussi appelé The Vindicator, qui est un film sorti en 1986. Ah, et vacances, Frankenstein en vacances n'existe pas. Non, c'est Frankenstein 90 avec Eddie Mitchell. Ah, voilà. Merci Yannick. Il y a un rapport avec le monstre de la créature de Frankenstein ou pas du tout dans le film en question? Avec Eddie Mitchell, ouais, je crois, que, je crois que oui. C'est, bah, c'est lui la créature, il me semble. Sérieux? Ouais. Eh oui. Incroyable. Moi. Incroyable. L'éclair, ça bat déjà. Il y a Jean Rochefort aussi. On va se détendre là. Laissez la police faire son travail. Please, les scènes de police make the job. Monsieur, il est commissaire de police. Il se note tapette à mouche. Allez Yannick, balance. Alors, lequel de ces quatre films n'existe pas? D'accord. On a Bonnie and Clyde contre Dracula, Billy the Kid contre Dracula, Emmanuel contre Dracula ou Jésus-Christ contre Dracula. Oh, alors attends, Emmanuel contre Dracula, alors... déjà, je sais pas, mais quand même, quoi. Je veux bien qu'ils aient des idées farfelues, mais il y a des limites, quoi. Moi, je connais pas tout Emmanuel, hein, mais quand même, quoi, il y a des limites. Après, les autres, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Dracula, il suce, hein, moi, je dis ça. Non, mais ça pourrait être, ça pourrait être une connerie complète et ça pourrait exister. Donc, Emmanuel contre Dracula. Non, oui, peut-être. Billy the Kid contre Dracula, c'est bizarre. Et le premier, t'as dit, c'était un autre cowboy. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde contre Dracula, c'est bien possible, ça. Ça me parle. On dirait un épisode de Scooby-Doo, quand même. Hein. et le dernier? Jésus-Christ contre Dracula. Alors, je peux juste dire, Mathieu, le Bonnie and Clyde contre Dracula, ça me parle. Moi aussi. Par contre, du coup, après, le reste, du coup Billy the Kid contre Dracula, ça me paraît plus flou. Alors que Jésus-Christ, il pourrait bien y avoir un film catho qui est sorti. Vous allez arrêter de vous sucer les uns les autres. Bordel de merde. Merde. Et bon, bah, Emmanuel contre Dracula, pourquoi pas tirer sur la corde. Bah oui. Donc, je sais pas. Billy the Kid. Sur la vibe, on dit Emmanuel. Billy the Kid contre Dracula, tu valides Michida? Je sais pas, je veux bien. Allez, validons. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Je sais quand tu dis c'est une, je sais que tu vas dire mauvaise derrière. T'as le ton qui est déjà mauvaise. Quand ce sera, c'est pas, c'est Emmanuel du coup? Non, voilà. C'est Jésus-Christ. Attends, il y a personne qui a pensé à faire Jésus-Christ contre Dracula? Alors, Bonnie and Clyde contre Dracula, film sorti en 2008. D'accord. Billy the Kid contre Dracula, qui est un film réalisé en 66 avec John Carradine, le papa de, de toute la tribu Carradine, Kiss, David et compagnie. Et Emmanuel contre Dracula, c'est donc un drame érotique, bien entendu, où une jeune femme tente d'échapper à des vampires lubriques. Un drame érotique. Elle se fait sucer toute la nuit. Alors, Jésus-Christ contre Dracula, à ne pas confondre avec Jésus-Christ Vampire Hunter, dont nous avons parlé dans l'épisode avec le docteur Zaius et Master Fred, qui ne s'appelle pas Jésus-Christ versus Dracula, c'est Jésus-Christ Vampire Hunter. Eh bien, écoute, nous continuons à ne rien gagner pour l'instant. Tout à fait. Donc, mais avec brio. Complètement. Avec le sourire. Michidar, il s'engage, quoi. C'est, Fort sur l'homme. Dans la joie et l'allégresse. Faut muscler ton jeu, Robert. C'est qui, Robert? Robert Pires. Robert footballeur. Pires. Ah, voilà. Ok. 98, les yeux dans les bleus. Ah voilà, ok. Ouais. C'est pas mon année. Et si on passait un petit jeu? Allez, allez. Qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Allez, jouons. Alors, jouons. Allez. Je vais donc... Alors, vous allez jouer tous ensemble. Ça sera le premier qui me donnera la réponse. Donc, ça va être un peu le bordel. Je vais essayer de... Ça va être carrément le bordel. Ah ouais, carrément, ouais. C'est ça qui va être rigolo. Ouais. Je vais vous donner le titre d'un film qui a été traduit à l'étranger. D'accord. Qui D'accord. n'a des fois rien à voir avec le titre d'origine. D'accord. À vous de me trouver le bon pays. Titre. Okay. Non, le bon titre. Le titre original, en le fait. Le titre original. Ok. Ok. Alors, il y en a combien? Il y en a 13. Et qu'est-ce qu'on fait? On buzz avec nos pseudos? Non, non, vous me lancez les titres, ça va être le bordel. Okay, ça, ça va être rigolo. Ça va être rempli de mauvaise foi. Non, c'est moi qui dis en premier, tout ça va être sympa. Non, c'est moi. Voilà. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, je devrais réussir à reconnaître vos voix. Alors, le premier titre, c'est en Italie. Ils ont traduit ce titre par « Si tu me quittes, je t'efface ». Quitte, je t'efface. Si tu me quittes, je t'efface. Si tu me quittes, je t'efface. C'est pas. Vous avez super, un message. Ma super ex. Le mariage de mon meilleur ami. Non. Si tu me quittes, je t'efface. L'effaceur. Non. Non. Ah, je sais pas. Si tu me quittes, je t'efface. Il faut vraiment le prendre au premier degré. D'accord. Le titre. Si Shining. Non plus. Non. Si tu me quittes, je t'efface. Déjà, c'est un tueur. Donc, si tu me quittes, je t'efface. Premier, vraiment le titre au premier degré. Ouais. Si tu me quittes. Ça peut être un film de n'importe quelle nationalité. Hein. D'accord. Complètement. Ok, d'accord. Don't leave me now. Non, c'est pas ça. Si tu me quittes, je t'efface. Alors, comment est-ce qu'on pourrait effacer quelqu'un dans un film On le tue, Mathieu. Ouais, non, je suis pas sûr que ce soit ça le sens. Il a dit, il faut le prendre au sens premier. Effacer de la réalité, retour vers le futur. Mais non, mais ça a pas été traduit comme ça aux États-Unis. C'est pas le film avec Kim Basinger où elle est, où c'est une héroïne de BD dont un mec tombe amoureux. Non, c'est pas ça. Si tu me quittes, je t'efface. C'est super dur. Il y en a 13. Ouais. Putain, on n'est pas arrivé. Bon, bah putain. On n'est pas arrivé. Vas-y, on passe. C'était moi, je passe. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wow, oh la vache. Wow. Ok. Ah ouais, mais c'est carrément logique en fait. Et oui, complètement. C'est pour ça que je vous avais dit. Si tu me quittes, je t'efface. Bah ouais. Ok. Alors, le deuxième titre, ça a été traduit au Mexique et en Argentine par Vaseline. Grise. Oui. Oh, joli. Oh, sérieux? Joli. Bravo, Mathieu. Bien. Grise. Brillantine. Brillantine. Très belle action de l'attaquant du Red Star. Brillantine au Québec. Ah ouais, non, mais voilà. Si, je l'ai. Je l'ai. Bravo. Vaseline. Magnifique. Pour info, l'entièreté du jeu ne compte pour un point. Oh là là. C'est pas un point par bonne réponse. Non, c'est sinon, pas ça peut faire des écarts trop importants. C'est nul. Bien sûr. Mais c'est nul. C'est nul. En Turquie, ce film a été traduit par Le pouvoir de l'amour. The Power of Love. Et en Chine, ce tueur n'est pas aussi froid qu'il le croyait. Putain. Le pouvoir de l'amour, ce tueur n'est pas aussi froid qu'il le croyait. Oui, Léon. Oh, bravo. Joli. Il y en a là-dedans. Joli, très joli, très joli. Je montre ma tête pour ceux qui se poseraient la question. Alors, gif du gars qui tape les mains. Non, Léon, il n'est pas froid, c'est juste un gros pédophile. Mais c'est complètement. Ouais. Mais il a de l'amour quand même, le pauvre. Non, je déconne. Ouais. Oui, il aime sa plante. Il aime ça. Le prochain film en Chine a été traduit par Une très puissante baleine va au paradis. Ah, Sauver Willy. Oui. Oh. Joli. Une très puissante ils baleine. Ils sont forts, ces Chinois. Ouais, ils sont forts, quand même. En Espagne, celui-là a été traduit par Les Chevaliers de la Nuit. C'est pas un Batman, du coup, je présume. C'est pas Dark Knight. Highlander. Si, c'est The Dark Knight. Ah, oh, okay. Putain. Mais Les Chevaliers de la Nuit. T'es fort, hein. Les Chevaliers de la Nuit. Mais oui, je sais que. Mais tu sais que dans CVT, je fais semblant, des fois. Non, mais c'est ce que je suis en train de me dire, en fait. Hein. C'est parce que Christian Bale, il est con comme trois. Voilà. En fait. Voilà. C'est pour ça. En Israël, nous avons eu un film qui a été traduit par L'amour est dans le ciel. Top Gun. Oui. Oh là là, magnifique. Oui, putain. Oui. L'amour est dans le ciel, mais putain, mais ils ont pas vu le film, quoi. Eh ouais, mais Val Kilmer est dans le ciel, mec. Avec Tom Cruise. Ouais. Hey, ils sont tous les deux au ciel. Tom qui connaît pas, mais Val Kilmer, là. Hein. Oh, putain. L'amour est dans le ciel, mais au secours. C'est putain. Un truc de fou. Val. Ouais, En Suède, nous avons eu Harmonica le Vengeur. Il était une fois dans l'Ouest. Oui. Ah ouais, bien vu. Ah, punaise. On est en train de les défoncer. Ah, complètement. Cordial, on les défonce cordialement. Sincèrement, très gentil. Ouais, mais pour un point. Un point total. Bon, oui. Ça compte. Au Japon, ça s'est appelé Vitesse Sauvage Max. Fast and Furious. Fast and Furious, oui. Et pas Speed. Désolé. Non. Bon, on continue pour le fun. Vitesse Sauvage. Attends, on recommence le titre. Oui, continue. Vitesse Sauvage 2 points Max. D'accord. En Pologne, ce film a été traduit par Le Tueur électronique. Terminator. Lequel? Le 2. Non. Le 1. Le 1. Le 3. Renaissance. Non, Renaissance. Je vais accorder un point à chaque équipe parce que vous avez dit en même temps le 1. Bon, j'avais dit Terminator avant, quoi, merde. Terminator. Il a dit Terminator avant, je refuse le. C'est quoi le titre polonais de Terminator 2, s'il te plaît? Je ne l'ai pas. Ah bah alors, tu vas le chercher de suite parce que je veux mon point qui compte pas qu'un point. Je vois Michidar avec son maillot du Red Star. Non, je viens de dire, Mathieu, ne t'énerve pas. Et Yannick, qui est l'arbitre et qui est en train de se faire engueuler par le joueur sur le terrain. Prendre un carton rouge. Mathieu, j'ai dit on renonce à ce point, on te le laisse. Ah d'accord. Bon. Comme Bruxelles. Voilà. Au Japon. Oh, la référence à Benabar aussi. Joli. Mais j'avais préparé cette. Au Japon, ce film a été traduit par Captain Supermarché. Oh, putain. Ah, c'est... Captain Supermarché. Ah, comment il s'appelle le mec avec ses gamins, là. Captain Supermarché. Oui. Non, c'est... Capitaine Supermarché. Captain Supermarché. Captain Supermarché. Comment il s'appelle le mec avec ses gamins? Non, c'est pas le Grand Bazar, quand même. Ce serait drôle. Non. Non, ça Capitaine peut être... Supermarché. C'est un film. Non, c'est un film. C'est pas Capitaine Fantastique. C'est pas Captain non. America. Je vois pas le supermarché là, du coup, c'est pas possible. Bah vas-y, dis. Il faut penser au troisième. Non, laisse-moi chercher. Je vous donne juste des petits indices. C'est un. L'indication de Capitaine Supermarché vient en fait du troisième film. Donc on cherche le troisième film d'une série. Ok. Petite idée. Captain ou à un moment donné, il y a un supermarché qui peut jouer dans le titre du film. D'accord. C'est tarabiscoté. Hein. Captain Supermarché, un supermarché qui peut jouer dans le titre du film. D'une trilogie, une quadrilogie. Matrix ? Non. Bon, pas Retour vers le futur, il n'y a même pas de supermarché. Enfin, si, il y a le mall, mais ouais, enfin, au début. Quoi. Oui, le Twin Peaks mall. Ouais, le ça veut dire que le 1 et le 2 ne s'appelaient pas Capitaine Supermarché. Non, à mon avis, non, parce que dans le 1 et le 2... Capitaine Supermarché. Non, c'est pas possible que le 1 et le 2 s'appellent comme ça. Il se passe troisième film. Je suis en train de chercher un film déjà dans Alien, un supermarché. Mais non, mais, c'est vraiment capillotracté. Hein, faut... Vas-y, on passe. Parce c'est que là... Evil Dead 3. Oh punaise. Ah mais oui. Et oui, bah oui, tu l'as. Ah oui, mais quand même, quoi. Et oui, parce que chez Pribas, les prix sont bas. Ouais, j'ai peut-être réveillé quelqu'un, mais... Nico, franchement, tu l'avais pas celui-là, je suis déçu. Mais c'est complètement con, comme... Non, parce qu'à la non, fin, pas tant à que la ça, fin parce du que... film, il atterrit... Dans... Il, en fait, il est vendeur dans un supermarché, quel métier à la con que je fais aussi. et il termine dans une des versions, alors je sais plus si c'est la version cinéma, je crois que c'est la version cinéma, il termine dans son supermarché et il tue un monstre là-bas. Attends, ça veut dire qu'il y a un magasin où je peux rentrer et où je peux tomber sur Yannick ? Oui. Mais c'est une incroyable nouvelle, ça. Bah après, je vais changer mon magasin d'où je vais faire les courses. Ça va peut-être pas être à côté. Je vais faire la route. Ça va être peut-être pas à côté, mais bon, après... Mais c'est vois, pas grave, ça. Pas... Yannick, est-ce que tu veux bien dire où tu travailles ou tu ne peux pas le dire à l'antenne? Ah ben, peut-être pas, non. Je pense pas. Si je peux le dire, mais je te dirais. Non, mais t'es pas obligé. Je voudrais pas qu'il y ait une horde de fans. T'imagines, c'est magasin, vrai. Ils vont tous arriver. Ils sont dans la rue. Aux d'artistes Besançon, tout le monde va arriver, c'est affreux. C'est voilà, ça va être terrible. C'est pas du tout là, n'allez pas aux d'artistes Besançon. Vous allez être très, très, très déçus. Au rayon surgelé, on vient voir à Cadalas. Il n'y a pas de rayon surgelé à Darty, Fanny. Mais si, enfin, ils vendent des congélateurs. Bien sûr que si. Avec des bébés dedans. Tu connais aussi Bezac. Ce serait marrant d'avoir des bébés en plastique dans les congélateurs. Ah. En présentation. Vous voyez celui-ci, vous pouvez en mettre 50, regardez. Tu viens avec un poupon ou tu viens avec un jouet et puis tu glisses dans le congélateur. Je peux l'essayer, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ça rentre. C'est pour savoir combien c'est je peux en mettre. Bah oui, évidemment. Ah, merde. On avait dit que t'en faisais pas. Ça va être un peu serré quand même. C'est ce qu'elle disait. Non, c'est ce qu'elle disait. Arrêtez. J'avais dit, je suis sage ce soir. Alors, pour le prochain, en Chine, c'est l'équipe d'attaque inhabituelle et interplanétaire. Les Avengers. Les Avengers, non. Ouais. Ah bon ? Non. La Ligue des Justiciers, du coup. Non. Oh merde. L'équipe d'attaque... L'équipe d'attaque... Je trouve inhabituelle cette rubrique géniale. Interplanétaire. Non. Ah, c'est pas la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ? Non, mince, l'agence Tourisque ? Non. Interplanétaire ? Non. Ah, oh putain, les gardiens de la galaxie. Oui. Voilà. Magnifique. Pourquoi ils s'embarrassent à dire tant de trucs dans leur titre? Ils ont des trop grosses affiches, il faut mettre. C'est pas grave, on a le point, Michel Darvalien. On l'a depuis, longtemps, ils n'existent pas. Respire. En face. Je vous aime. Alors, hein, c'est la traduction française du titre chinois, donc du coup, ça fait très long chez nous. J'adore le jeu. Mais, ouais, je trouve vraiment super. Ce jeu est sympa. Tu sais quoi, tu pourras en faire un podcast entier, à mon avis. Grave. Oui, à réfléchir. Le prochain, toujours en Chine, je vais me marier avec une prostituée pour économiser. Pretty Woman. Bibou l'a dit avant. Il est immonde ce titre. Non, c'est Bibou, il l'a dit avant. Ouais. Par contre, redis la fin pour économiser. Pour économiser, oui. Je vais me marier avec une prostituée pour économiser, mais pas du tout en plus. Ben non. Il a dépensé sans compter. La carte bleue, nanani, tout ça. Ah mon dieu. Non, dépensé sans compter, c'est Jurassic Park par contre. Le cirque de pute. Après, c'est pas con. Enfin, si quoi se marie avec elle, le cirque de pute. C'est ça qu'elle a dit. De pute. Ah, et voilà. Au prix horaire, ça doit coûter cher. Hein. Eh ben, c'est le dernier. C'était le dernier ou il en reste un? Non, il en reste un. Le prochain, c'est le dernier. Et j'ai donc les patrouilleurs de l'espace. Bah, Star Wars. Star Wars? Non. Star Trek? Non plus. Ah, c'est... Stargate? Non plus. Bah, les patrouilleurs de l'espace. Les patrouilleurs de l'espace. Les patrouilleurs de l'espace. C'est pas Flash Gordon, non? Non. Les Avengers. Les Avengers. Non, c'est pas Apollo 13. Non, plus. Non. L'étoffe des héros. Starship Troopers. Oui. Ah, bien, ouais. Oh, en plus. Oh, tu l'aimes celui-là c'est en plus. Trop fort. Ah, je l'adore. Oh, bah, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Neil Patrick Harris. C'est vrai qu'elle est belle. Ah, oui, et Michael Ironside. Neil Patrick Harris est mon personnage préféré dans, dans Starship Troopers. Il représente le mieux ce qui se passe dans ma tête en permanence. Ouais, c'est un personnage. Pas de Chris, hein, putain. mais nous t'aimons. Et ben moi, franchement, en toute honnêteté, le point va vraiment à Mathieu et Nico parce que vraiment. Ah ouais, non, mais il est littéralement pour vous ce point. Littéralement. Merci. On se fait une raclette la semaine prochaine parce qu'à s'appeler comme ça par les prénoms, c'est. Ouais, c'est très bizarre. Je vais le dire, j'attendrai pas qu'on soit en off pour le dire. On se voit pas assez souvent. Oui, et ben c'est. Et moi, tu me voles les mots de la bouche, Mathieu. Je suis navré, mais je ne voulais pas, mais pourtant. Mais pourtant, c'est ce que je ressens. Je vole. Ouais. La pomme au marchand. Non, moi, j'étais plutôt... Je pense que Michelin fait référence à Michel Sardou. J'étais plutôt sur Sardou, là, pour voir si Nico... Ah, c'est gentil. Nico, il a les oreilles qui se sont dressées, à défaut d'autre chose. Allez. De sa bite. Ah, ok, d'accord. Bonsoir, maman. Ah, c'est vrai que ta maman écoute tout ce que tu fais. Non, non, elle va pas écouter celui-là. Non, elle va pas l'écouter. Ah, si, si, non, moi, je l'en ai. Non, pas bonsoir avec... la maman de Nico. Pas avec ce qui va arriver. Vous ok. Pas. Est-ce qu'on peut rappeler les scores, Yaya? Eh ben, un partout. Voilà. Un partout. Voilà. Non, on a refait notre retard. Voilà. On va repartir sur Tu dis bonsoir à tout le monde. Oh. Bonjour. Salut Lisa. Bonjour Lisa. Coucou Lisa. Comment vas-tu? Bonjour. D'accord. Elle est bloquée, il faut appuyer sur le bouton, je pense. Elle est détendue, hein. On était justement en train de parler de ton papa. De comment tu as été conçu, magnifique. Bon, ok. Allez, bon, je lui dis bonne nuit. Bonne nuit. Lisa, bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, Lisa. Voilà, gros câlin. Oh. Allez, bonne nuit. Elle doit être encore plus belle maintenant qu'elle ne l'était. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Oh. Bah, on présume, tant ça se trouve, c'était à son papa qu'elle le disait, mais on l'a pris pour nous. Elle a on dit l'a pris pour nous. Ce bisou, bonne nuit était tellement mignon. C'est bon oui. On y va aussi. Ça y est, bon, ça part. Allez, Oli. Mais ça fait match nul, faudra faire un troisième. Allez, après. On peut reparler de ta bite maintenant. Allez, Dallas, excuse-moi. Je me relève. Elle a oublié pardon. De fermer la porte. Par contre, cette petite odeur. Je me relève parce que. C'était quoi ce. C'était le quoi mien ce... Je suis de retour. Oui. Je me relève parce que il a mis une pause après et par rapport à ce qu'on disait avant, c'était drôle. Voilà, c'est tout. Allez. Voilà. Alors, Juju et Nini, oui. Combien de couleurs différentes sont utilisées pour donner les noms aux braqueurs de Reservoir Dog? Alors, c'est pas pour toi. Répondre, hein, oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais ça veut dire si que... Si tu veux les aider, par contre, tu te rappelles que t'es pas obligé de leur donner la bonne réponse et d'être honnête. Alors, ça se trouve, je me plante. Je veux le nombre de couleurs différentes. Est-ce que c'est 6, 7, 8 ou 9? 6, 7, 8 ou 9. On hésite entre 6 et 7. Alors attends, t'aurais pas dû le dire, comme ça t'aurais pu demander le 50-50. Non, non, ouais, voilà. Merci Mathieu. Non, t'en prie. Ah oui, alors j'avais complètement oublié qu'on avait les jokers en plus. Mais moi je suis les règles, monsieur. On se Parce que pour gagner, il faut connaître les règles. Non, j'ai pas tous les noms comme ça. Ouais, mais toi, Pink, Mathieu, t'es plutôt du genre à défier les règles pour Black, gagner. Il y a Black, il y a White. Non, c'est pas mon genre. Il y a Purple. Pas du tout mon genre. Je ne défie pas les règles. Jamais. Mr. White, Mr. Black. Moi, je pars sur 6. On part sur 6, mais il veut les noms, c'est ça le truc. Ah, non, je veux le nom. Non, non, je suis pas vicieux à ce point-là. 6. Le code couleur. Ouais, Julien, il avait dit 6 au début, ouais. Et c'est une bonne règle. Bravo. Ouais, Julien, il m'a regardé, il a fait 6 tout de suite, donc je... Vous voulez essayer les couleurs? On a un point supplémentaire? Non, pour le fun. Putain, bon, alors, mes élèves. Alors, on a Hervé Kittel en Monsieur White, Tim Ross en Monsieur Orange, Michael Madsen en Mr. Blonde, Steve Buscemi, bien entendu, Mr. Pink, Quentin Tarantino et Mr. Brown, et Edward Bunker et Monsieur Blue. Blue, c'est voilà. 6. Bravo. Et je suis partie, je sais pas pourquoi j'avais Mr. Black, mais... Alors, je les avais pas tous, mais je me rappelle d'une affiche de Réservoir où t'as les 6 personnages avec leur nom en dessous. Ouais, t'es un cinéphile, toi. Mmh. Ouais, effectivement. Il va peut-être d'ailleurs faire un podcast ciné. Ah ouais. Attention, ah, wow. ouais. Julien Dissident. Attention, previously, peut-être j'ai lâché une bombe, peut-être. Attention. Terrible. Une ba. Terrible. Il fallait pas dire ce mot-là. On n'a pas le droit. Une ba. Une bombe. Voilà. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Alors, Ego et Michida. Faut qu'on recolle là. Non, Mathieu et Nico. Nico, faut qu'on recolle là. Ouais. Quel film commence par une scène très drôle où Tang Lung, incarné par Bruce Lee, commande sans le savoir plusieurs soupes dans un restaurant romain car ne sachant pas lire l'italien, il commande au hasard tellement il a faim. Est-ce que c'est dans La Fureur du Dragon, Opération Dragon, La Fureur de Vaincre ou dans Le Jeu de la Mort? Bonne chance. Je n'en ai aucune idée. Pendant qu'on réfléchit, je vous recommande de regarder le documentaire qui s'appelle Be Water ou Be Like Water sur Bruce Lee. C'est vraiment pas Et super. Dans ce documentaire, il n'y avait pas. Ça ne sert à rien, ton anecdote. Ça ne sert à rien, mais à étaler. Je dirais Opération Dragon, mais ça existe au moins, c'est un film de Bruce Lee. Les 4 sont des films de Bruce Lee. Je ne pense pas que ce soit Opération Dragon. D'accord, bon, ça fait déjà un en moins. Ouais. Et on n'aurait pas dû le dire comme ça, on aurait pu demander le 50-50, mais c'est pas grave. Putain, il vénère. La Fureur du Dragon, je pense pas. Qu'est-ce qu'il foutrait à Rome? La Fureur du Dragon, c'est celui avec Chuck Norris? Alors, essaye de te focaliser là-dessus. Je pense que c'est celui qui se passe à avec Chuck Norris. Est-ce qu'il serait en Italie à ce moment-là? Je pense pas que ce soit Le Jeu de la Mort ni Opération Dragon. Donc, il nous reste La Fureur du Dragon. La Fureur du Dragon, c'est avec Chuck Norris. Il n'y a pas de raison qu'ils soient en Italie, du coup. Ou La Fureur de Vaincre. Bah si, parce que ça, avec Chuck Norris, en fait, ça se termine dans un... Ils se battent dans une arène. Dans un colisée. C'est ça. Voilà. Allez. Donc, La Fureur du Dragon, c'est celui avec Chuck Norris. On est d'accord. Si t'es sûr de je pense que pour c'est... Pour moi, je me rappelle avec le chat. Fureur de Vaincre. Je me rappelle qu'avec le chat... Ouais, je pense que c'est la fureur... La Fureur du Dragon, c'est oui aussi avec Karim Abdul-Jabbar et tout ça. Je pense que c'est ça. Allez. Bon, disons La Fureur du Dragon. Donc vous validez. Attends. Et c'est une. Attends. Non, c'est le. Non, c'est les. Oh, non, aucun. C'est la manière dont il va dire. Et c'est une. Attention. Alors vous l'avez validé. Oui, la Fureur du Dragon. Oui. Et c'est une bonne réponse. Yes. Bravo, ce Nico. Film tourné en Italie, donc c'est le troisième film majeur de Bruce Lee, qui est acteur principal, scénariste, réalisateur et producteur. C'est son dernier film sorti de son vivant, puisque le suivant, Opération Dragon, est sorti en août, juste après sa mort, en juillet 73. Et rappelle-moi comment il est mort. Je m'attendais pas. Il a fait un espèce d'anévrisme. Ben là, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui confondent. C'est son fils qui est mort, pas avec une balle. Avec une balle chargée. C'est pas lui, on est d'accord. Ouais, hein. Bizarrement chargé. C'est très très très louche ce qui s'est passé. Enfin, il y a des zones d'ombre, bien entendu. D'accord. Les poils de Chuck Norris, du coup, cette scène avec le chat. Le chat. Et c'est mon premier Bruce Lee que j'ai vu petit. C'est ton préféré? Oui, parce que cette scène d'ouverture au restaurant est tellement drôle. Je l'ai fait regarder juste cette scène-là, parce que mon fils a 8 ans et demi, encore un peu jeune, je trouve. Mais je vais faire regarder. J'aurais pas dû faire regarder Conan le Barbare. Ce week-end, oui. Aïe, aïe, aïe. Mais tu le savais pourtant. Bah oui, elle a kiffé, mais bon quand même, quoi. Elle regarde Full Metal Alchemist en ce moment. Oui, tu me diras, oui, d'accord. Okay. Elle va avoir culture arrivée au collège, elle va défoncer tout le monde. Hein. Mais tout le monde va se foutre de sa gueule, puis personne n'en a rien à foutre de Conan le Barbare. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu sais parce que toi, la jeunesse actuelle, elle est étonnante pour pas mal de trucs. Elle va trouver des gens, t'inquiète. Ch'ti, il a tellement aimé le début du film, il voulait absolument voir la suite. Et ce début de film où Non, mais t'es un parent responsable, donc t'as arrêté, pas comme moi. arrêté, parce que je trouvais quand même qu'après, il y avait des moments un peu violents, mais c'est tellement drôle. Avec un croque-monsieur, ce serait passé. Hein, ouais, parce que les endives au jambon, il va me les lancer à la gueule. Hein. C'est clair. Donc, c'est ton Bruce Lee préféré. Une petite aparté. C'est quoi votre Bruce Lee préféré, du coup? Chacun. Vite. C'est Rush Hour. Connard. Moi, j'aime bien dans la tour Montparnasse infernale. Mais il tombe par la fenêtre, c'est con quand même. Ok. Je pense n'en avoir vu aucun en entier, en fait. J'ai vu des scènes de certains, mais je suis pas sûr de m'en avoir vu en entier. Toute objectivité, je dirais Kung Fu Panda. Par contre, j'ai beaucoup joué à Kung Fu sur Amstrad CPC 6127 quand j'étais môme. Mais après. Très bien. Bon, voilà. Ok. Moi, c'est Opération Dragon, Yannick. Opération Dragon, c'est celui que John Saxon quand ils vont sur le tournoi. Ouais. C'est le côté tournoi et tout ça. Ouais, c'est mon suivant. Le combat final. C'est celui-là, je l'adore aussi. Oh là ok, là. Eh bien, parenthèse fermée. Et on est revenu au score. À la fin de cette deux. Parenthèse, retour. Voilà. Et donc, nous sommes de nouveau exécutés. Ne faites pas voir Conan le Barbare à vos enfants de 7 ans. Voilà. Allez, on repart à zéro. Pour la question suivante, j'ai besoin d'un petit gueule audio. D'accord. Que je vous laisse écouter. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il fallait en faire un. J'étais très, très discipliné. J'ai besoin d'un... Voilà. Ah, mais t'en avais un, d'accord. J'en ai un qui va se lancer. Hop, c'est parti. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bonbons, j'ai la quéquette qui colle, danse sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la quéquette qui colle. J'ai les arpions qui fouettent et des roupages dans les roupettes. Pourquoi je connais ça? Ça vient d'où? C'est les années 2000. Oui, mais c'est... Non, c'est avant. Qui avait fait ça? Non, c'est 98, 99. Qui a fait ça? Parce que ça, je sais pas pourquoi. C'est des bêtises de l'internet. Je sais pas pourquoi, mais je le connais en fait. Ouais. Bon, c'est terrible. Des bêtises de l'internet. Tout le monde l'a connu. Pas sûr. Viens avec moi au presbytère et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Exactement. Joyeuse comptine et c'est ça qui est magnifique. Je crois que c'est ça qui est magnifique. C'est joyeuse comptine et farandole et derrière la phrase qui tue quoi. Le dansant sur le pont d'Avignon qui est placé aussi là, il n'a aucun sens, c'est génial. Je suis en train de regarder, ça dit que c'est une chanson des Mules, qui est un groupe que je connais pas du tout. Ok, les Mules. Ouais, j'ai bien aimé leur émission, voilà. Les Mules, l'émission, c'était pas mal. Ouais, les Mules, l'émission, c'était pas mal. Très bon. Il faut envoyer des sous à Amlark. La mouche qui pète. Nous avons donc, bien entendu, avec un jingle comme ça, c'est le moment de la question coquine. Mais oui! car j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de questions coquines sur le cinéma. Et j'ai donc dû aller sur les séries télé, bien entendu. Laquelle je te reconnais bien là, Yaya. Quatre parodies de séries porno n'existent pas. C'est pour vous. On a donc Walking Dead Hardcore Parodie. Okay. On a Code Rectum. On a The Soporno. Je peux pas m'empêcher. Code Rectum, c'est avec ses deux trous du cul de Zayu, c'est très bon. Désolé. Cordialement. Cordialement. On a The Soporno. The Soporno. Okay. The Soporno. Et on a Dalax. Qui n'existe pas. Laquelle des quatre n'a pas été fait en Série porno, c'est un film. C'est un film parodie de série porno. D'accord. Voilà, donc Walking Dead. Soporno, voilà. Walking Dead, hardcore parodie, Code Rectum, The Soporno et Dalax. Parce qu'il y a, enfin, les Sopranos, il y a déjà beaucoup, beaucoup de sexe. On part sur Dalax avec Juju. Vous partez sur Dalax ? Ouais. Mais c'est une mauvaise réponse. Moi, je dirais que la première est pauvre en termes de titre. Moi, je pense que c'est les sauts porno. Parce que moi, je pense que c'est Walking Dead hardcore parodie. C'est pas assez cherché comme nom. Ah, ça pourrait aller avec les titres des Walking Dead. Ah, mais je connais pas, moi. Du coup, j'ai peur. Il y a tellement de titres différents. J'ai peur, j'ai regardé 20 minutes. Il a poussé une porte d'hôpital, j'ai plus voulu regarder. Ok, c'est le premier épisode. Je sais, mais vraiment, j'ai littéralement regardé 20 minutes. J'ai dit, ah, je peux pas. Okay. Et c'était le Code Rectum. Oh, c'est dommage. Oh non, il y avait la musique en plus. Ta da da tam, ta da ce qui veut quand même dire qu'il y a une parodie porno avec des zombies. Ben voilà. Voilà. Donc si vous voulez vous ils ont vraiment la caquette qui colle du coup là. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de la profondeur. Ah, ça y est, c'est CVT, tout le monde parle. Il y avait vraiment de la profondeur dans cette série à faire, mais c'est dommage. Ils n'ont pas poussé trop loin, c'est dommage. Dans le rectum. Les zombies. Dans le rectum. Les zombies. Voilà. Non. Non. Alors, du coup, j'ai la même question pour nos amis. Hein. Alors, j'ai Game of Bones, Winter is Coming. Oh, il est magnifique celui-là. Je valide ce titre. Oh la vache. Game of Bones. Winter is terrible. Voilà. Mais qui a eu cette idée? On a, c'est peut-être moi. Ben oui. On a How I Fuck Your Mother. Oh non. Très très bon ce titre. Avec ton acteur préféré Nico en plus. Alors non, c'est pas. C'est son personnage préféré. Oui. On a un personnage bisou à la maman d'Ego. Bisous, maman Ego. On a l'agence touriste. J'aime quand un plan cul se déroule sans accroc. C'est génial. C'est trop long comme titre, par contre. On a Mavericks, parodie de la série Maverick, datant des années 50, et qui a donné un film en 94. Très bon film. Un film incroyable de Richard Donner avec Mel Gibson et Jodie Foster. Il s'appelle Maverick. Maverick en 1994. D'accord. Ouais, je vous conseille de le voir, c'est un de mes films préférés, réalisateur préféré, acteur préféré, actrice aussi. Avec la vraie voix de Jodie Foster qui fait elle-même ses doublages. Elle est incroyable. Cœur avec les doigts pour Jodie Foster. Et souvenir ému de Bruno Mazur qui voulait inviter Jodie Foster à la cantine de France 2. Et je ne sais pas si elle a dit oui. C'était pour la promo de Contact. Pour la promo de Contact, Jodie Foster était reçue sur le plateau du JT du soir de France 2 par Bruno Mazur. Et évidemment, elle parle un français impeccable. Elle habite l'espace de toute sa splendeur, de son intelligence, de tout ce que tu veux. Et donc, au bout d'un moment, il lui dit, je ne sais pas ce que vous faites après, mais si vous voulez, je vous invite à la cantine, un truc comme ça. Je ne sais plus vraiment ce qu'il lui dit. À la cantoche. Où il dit, ouais, je crois qu'on y sert des trucs très bien. Enfin, voilà. Tout le monde était... je retrouve. Comment on peut inviter Jodie Foster mais à la Mais c'était, mais c'est Bruno Mazur, il était coutumier du fait. Moi, je dirais que c'est l'agence Tourisk, pardon. J'aime quand un plan cul se déroule sans accro. Ça me paraît très long, mais ça pourrait être le sous-titre. Confiance. Ça pourrait être le sous-titre aussi. Le premier est tellement bien trouvé que j'espère que quelqu'un a été payé pour ça. Ouais, le deuxième, c'était quoi déjà? Oh, fuck je présume que quelqu'un l'a fait. Bah... Ouais, mais fais attention, hein, nous, c'est le père, hein, en l'occurrence. Plus que vous, musique. Bah oui, forcément. Bon, c'est pas grave. Je vous ai perdu. Moi, ce, blanc était, ce blanc ah, était offert par alors, vous, l'agence, vous touriste. L'agence touriste. Et c'est une mauvaise réponse. Ouais. Et tu l'as dit dans ton « c'est une ». L'agence touriste qui existe, How I Met Your Mother, bien entendu, existe aussi, c'est tellement facile. Ouais. C'est Game T'as of inventé Bones le premier, c'est pas possible. Game of Bones existe. Ah bon, c'est le dernier, et c'est Mavericks. Mavericks qui n'existe pas. Et c'est, ça m'a juste permis de placer Maverick, en fait. J'adore ce film. Ouais. Je voulais le placer quelque part. Moi aussi. Avec je l'ai la... vu au cinéma à l'époque. Ouais. Avec le petit riff de guitare de L'Arme Fatale quand Mel Gibson croise... Danny Glover. Roger Morton. Ça donne envie de regarder. Mais c'est un film comique. C'est un western comique. Un western comique, d'accord. Ça donne envie de regarder. Ouais. Ah là là, et puis elle est, enfin, Jodie Foster, elle est à tomber. En 94, elle est mais non, elle mais est n'importe top. Quand. Non, mais tout oui, temps, bien sûr. Maintenant. Son énorme cerveau me séduit. Allez. Bon, bah, nous avons perdu un point. Enfin, nous ne l'avons pas gagné. On est toujours ex-aequo. Toujours ex-aequo. 2-2. Un petit jeu. Allez, un petit jeu. Allez. Un petit jeu audio. D'accord. Un petit jeu audio, alors que je retrouve mon fichier. J'ai donc décidé alors, de vous mettre une musique de film. Mais ok. Je vous recommande d'écouter un podcast incroyable que j'ai découvert il y a à peine une semaine qui s'appelle Total Tracks. Oui, et je parle bien sûr. Bande originale de film, c'est merveilleux. Bien sûr, écoutez Total Tracks. Tu connaissais pas Total Tracks, Nico? Non, bah, ils sont très pointus et en même temps très simples. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Voilà. Ah mais c'est pas grave, j'ai 122 numéros. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça va être du bonheur. Voilà. Et on attend avec impatience ce que va faire Thilou sur la musique de Star Wars aussi. Hein. Ça va bientôt arriver, on attend avec impatience. Voilà, désolé Yannick. Non, il n'y a pas de soucis. Ce podcast est sponsorisé par... Voilà, donc le premier qui trouve, il donne la réponse. Attends, mais j'ai pas compris, tu vas passer la musique de film, c'est tout? Je passe une musique de film. Il faut trouver ce que c'est comme film. Voilà. Ouais, mais t'as fait une connerie avec. Ça va être simple. Hein. Bien ça va sûr, être simple. Évidemment. Non, ouais, ça va être simple. Vous êtes prêts? T'as retiré un truc ou une oui. Alors, vas-y. Non. Je donne juste un genre. Petit décompte pour Eddie Bibou. Alors, c'est bon, je deux, sais ce qu'il va faire. Ah, merci. 2, 1. Alors, juste avant. juste avant. Évidemment. J'ai peut-être légèrement bidouillé, parce que je m'amuse un petit peu avec Audacity en ce moment. J'ai peut-être un tout voilà. petit peu bidouillé la chanson. Voilà, c'est D'accord. Voilà, un tout petit peu. Donc, alors, c'est parti. Non, mais du coup, je vais vous dire. en fait, la chanson, elle est à l'envers. Bah, tiens. Ah, voilà. Je suis pas mauvais à ça en général. On va voir. Faut trouver le film. Faut trouver le film. C'est parti. Retour vers le futur. Non. Last Action Hero. Oui. Bravo. Oh là là là là. Et oui, en effet. Bravo. Bravo, Bibou. Julien. Bien joué, Bibou. C'est horrible. Ah là, tu l'entends oui, pire. Là, oui. Ouais. Il y a des moments où ça s'entend vachement mal. Donc, ça fait mal aux oreilles. Ah, bravo. Il y en a 5. Hein. D'accord. Ok. Le deuxième, c'est parti. Le parrain. Contact. Oui, le parrain. Ouf. Oh la vache. Vache. Alors, vous notez. C'est limite vous sympa à l'envers. Regarde. Vous noterez que le son d'un orchestre symphonique, même à l'envers, ou un accordéon en l'occurrence, c'est toujours un accordéon. Donc c'est juste l'instrument qui m'a aidé là. Et bien, ça c'est le ta-di-da-da, ta-di-da-da. Ah j'adore. Mais c'est pas mal en fait. À l'envers, c'est pas mal. On dirait un. Ça me donne le mal de mer. Un peu, ouais. Nino Rota, du coup. Pardon. Non, c'est André Rieu. Mais non, Nino Rota, il a dit mal de mer, tout ça. Bon, c'est pas grave. En fait. Je n'expliquerai pas mes blagues. Nino Gerba, et puis voilà. Oh là là. In veritas in asinotu. Tout à fait. Bon, je l'ai eu. Allez, c'est parti pour le troisième. Non, c'est pas un point par réponse. C'est un jeu. Vanilla Sky. Non. Mon nom est personne. Oui. Bravo. Ah oui, en effet, oui. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, J'adore ce film, j'adore sa bande originale, j'adore tout. Aussi. J'aime tout dans ce film. Henry Fonda. Ouais. Incroyable. Ah, c'est bizarre dans ce sens-là. un de mes films préférés de tous les temps. Pareil. Bah ouais, c'est mon western préféré. C'est mon western préféré d'ailleurs. La scène, du billard où il raconte l'histoire sur l'oiseau et la bouse. J'adore, je kiffe ce film, c'est pas possible. Alors, le numéro 3, 2-1 pour l'instant. C'est le 4 du coup. Oui, mais pardon, le numéro 4. C'est parti. Là, il y a quelque chose. Si. Retour vers le futur. Oui. Ah oui, c'est Power of Love, bravo. J'entendais pas. Fallait bien tendre l'oreille. Hein. Ah, vu comme il y a un fondu sur la fin. Comme il y a un fondu à la fin, ouais. Donc, c'est Nico qui a quand même la meilleure. You feel the power of love. C'est over the feel. Ah, pareil, ça me donne le mal de ouais, mer. Pareil. Bon, on a gagné du coup. Bravo, Nico. Ah, bah, pour le fun. Attends. Ah, ouais, non. Il y en a 5, t'as dit. Vas-y. Non, en fait, il y en a pas 5. Mais quel enfant de sa maman! Mais enfin! Je vais le dire où mais tu habites et où tu travailles. Maman. Ça suffit maintenant, hein? Tu le sais pas. Je sais où il habite. Je sais pas où il travaille. Mais moi je sais où il travaille. Moi je sais où il travaille. Ah bah voilà, on va peut-être faire. Et moi je sais. Et moi je sais les deux du coup. On va mettre les géolocalisations. Il y en a vraiment 10, Yaya. Oui. Ah génial. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est le Titanic. Non. Ah non, il y a trop de trucs. Armageddon. Non. Top Gun. Oui. Oh putain. Yes. Et oui. Mais voilà. Bien sûr. De toute façon, dès qu'il y a Val Kilmer, voilà. Mulkev Lav. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Cette chanson est horrible dans les deux sens. Ah non. Ah si, si. Même le film. Oh là là. Non, j'ai dit pas du film. Il y en a bien 5. Donc le point est à. J'espère que tu gères pas tes stocks, que tu gères tes questions. Fatigué. Vous en avez encore? Ah oui, il y en a encore 10. Ah bah non, ils ont le point, j'en ai plus. Bah 4-1. Ah, c'est pas fini? Si, c'est fini, pardon. Bah oui. Voilà, donc ils ont le point du jeu. Tout ça pour préserver une forme de suspense alors qu'il n'y avait pas besoin. De quoi? Non, c'est qu'après, il y a d'autres titres de films, mais c'est pour le jeu suivant. D'accord. C'est pas grave. On est à 3, 3 pour Mathieu ouais, et, 2. Et Nico, et 2 voilà. Pour Fanny et Julien. Voilà, tout c'est à ça. Qui vont tout donc commencer par leurs questions. Sans préférence. Choix multiples. Question donc numéro 5 à choix multiples. Nini Juju, avant que Bruce Willis ne soit choisi pour incarner avec brio le flic John McClane dans la trilogie Die Hard, oui, c'est une trilogie, il n'y a pas d'autres films après, nous sommes bien d'accord. Oh, le 4, il vaut le coup quand même. Le 4, si. Le 4, quand on voit le 5, le 4 voilà. Est horrible, le 4, il est nanar, il est rigolo. Ouais. Plusieurs stars ont donc refusé le rôle en donnant des arguments assez intéressants. Alors, écoutez bien. Parmi ces 4 acteurs qui ont tous refusé le rôle, lequel de ces arguments donnés est faux? Je vais vous citer un acteur avec l'argument qu'il a donné pour ne pas jouer le rôle. Une de ces histoires est fausse. D'accord. Sinatra a refusé le rôle et a dit « je suis trop vieux et trop riche ». Sinatra. Clint Eastwood. Oui, parce que Sinatra avait la priorité pour ce film, puisqu'en fait, par rapport au livre qui correspond, il avait joué en fait le rôle du flic et il avait priorité dans un autre film. D'accord. Je suis trop vieux et trop riche. Donc c'est voilà. On est d'accord que c'est l'histoire que tu vas nous dire c'est l'histoire... On cherche celle qui est fausse. Voilà. Les quatre ont refusé, mais l'une des histoires est fausse. Clint Eastwood explique qu'il n'a pas compris l'humour du film et il a refusé. D'accord. Paul Newman a décidé de ne plus jamais porter d'armes dans ses films. D'accord. Et Arnold Schwarzenegger, après avoir enchaîné Commando, Le Contrat, Predator, Double Détente, a préféré faire de la comédie avec jumeaux et un flic à la maternelle. Bah, moi, je partirais là-dessus. En fait, c'est celle qui paraît le plus fausse de toutes, en fait. Ce serait celle qui, la dernière, paraît le plus faux de tout, en fait. Sinatra, c'est cohérent. Je vois pas Sinatra, c'est Sinatra approché pour le... Mais si, c'est, bah, alors ça, déjà, c'est le cas, par les personnes, les quatre, c'est vrai. Les quatre, c'est vrai. C'est l'argument qui l'argument est avancé. Qui il y en a, c'est l'excuse pour pas l'avoir pris. Ah, voilà. Et pardon. Par contre, l'excuse de Schwarzenegger, ça pourrait coller. Genre, bah non, je vais pas le faire parce que je veux du comique, quoi. Donc, ouais, Schwarzenegger. Donc, tu penses que cet argument-là est faux. Bibou. Ouais, mais en fait, ça me semble cohérent parce que je sais qu'il a fait un virage dans sa carrière où il voulait faire un petit peu du comique. Oui, mais ça... c'est pas par choix. Ah, si, si. Non, pardon. Mais si. Mais non, non. Non, mais je contrebalance l'autre. L'autre. Tu crois que c'est par choix qu'il a fait du comique par rapport à. Ah, mais bien sûr. Ah, ouais, hein. Schwarzenegger, il était millionnaire avant de commencer à faire du cinéma, en fait. Bah, c'est ça, quoi. Donc, oui, bah, ça, je savais. Donc, mais, du avec coup, le culturisme, le culturisme. Voilà. Parce que Sinatra, ça colle. Non, avec les affaires. Après, il y avait Clint Eastwood, l'immobilier. Ah, je savais pas ça. L'immobilier, ouais. Ouais, il était super riche déjà. À l'époque de Hercule à New York. Il avait donné quoi comme. Et il n'a pas compris l'humour du film. Clint Eastwood, d'accord. Okay. Et Paul Newman a décidé de ne plus jamais porter d'armes dans ses films. Oh, ça me paraît un peu gros aussi. Clint Eastwood ou Schwarzenegger? Schwarzy, moi je dirais. Ouais, on part sur Schwarzy. Ouais. Donc ouais. Pour vous, Schwarzy a refusé le film et pour une autre raison que de vouloir faire de la comédie. Oui. Et c'est une bonne réponse. Oh là là, ah, bravo. Quand même. Puisque à l'origine, il fut question d'une suite de Commando avec donc Arnold Schwarzenegger. Ah, j'aurais bien aimé voir non. ça. Par contre, il n'y avait pas Bill Weavers du coup. Carl Weavers, pardon. Bill Weavers, c'est le chanteur de Sitting on the Dock of the Bay. Donc il a Commando. Ouais, il a refusé parce qu'il ne voulait pas reprendre le rôle de John Matrix. Ça aurait été chelou quand même. Ouais. Mais même les et autres aussi, hein. Même ça aurait été un meilleur film. Eastwood, en fait. Newman, non mais Newman, en... mais ils n'ont pas du tout le même âge surtout. Ben, même mais... Sinatra, ils étaient vachement plus vieux que Bruce Willis. Et Sinatra a joué dans le film adapté du premier roman parce que le livre Nothing Lasts Forever est la suite en fait d'un autre livre et ce premier livre a été adapté. Et c'est Sinatra qui joue le rôle, donc il avait priorité. C'est-à-dire, il joue John McClane dans un autre film que je connais pas. Alors je sais pas s'ils ont gardé le même si nom le ou pas. Même, ouais, mais il a joué dans le film. Mais c'est pas un bon acteur Sinatra de toute façon. Non, c'est pas un super bon acteur, c'est pas. Non. C'est un fils de chien, mais non, c'est pas un bon acteur. Avec une tête de cheval. Ouais. Et donc voilà. Et donc lui, il voulait juste pas reprendre le rôle de John Matrix. Et au départ, c'était, il devait donc rendre visite à sa fille sur son lieu de travail et avoir exactement la même histoire. Tout en fait. Défoncé. Et tout défoncé. Eh ben, je suis bien contente d'avoir eu ce petit voilà, point. Un petit point, vous bravo. Revenez à égalité. Pas pour longtemps. Super. oui, c'est ce qu'elle disait, ça. Alors, combien de films l'incroyable Joe Pesci a-t-il tourné avec le maître Martin Scorsese? Est-ce que c'est deux films, un film, quatre films ou trois films? Moi, alors, déjà, il y en a deux sûrs, mais ça ne va pas nous aider, tu me diras. Donc, les Affranchis et Casino. Il joue dans Casino Joe Pesci, on est d'accord. L'ami Chidar, tu peux pas compter sur moi. Ah non, mais moi. Les affranchis, moi. Non, mais t'as il joue dans Casino. 1, 2, 3. Non, j'ai dit 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Donc, pour moi, il y a au moins Casino et Les Affranchis. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais il peut avoir joué dedans aussi. Donc, je n'ai pas vu tout Scorsese. Alors après, tous les Scorsese que j'ai vu, je suis pas sûr d'avoir vu Joe Pesci dedans. Hein. Moi, j'ai la réponse. Moi aussi. Et oubliez pas les Jokers. Ouais, parce que moi, le premier épisode dont je me souviens, d'aussi loin que j'écoute Bibou et Bibounette, c'était un épisode où il parlait de Scorsese. Ouais, mais ils viennent de nous prendre un point pour égaliser. On va leur oui, demander mais moi, leur je ne avis. Suis qu'amour, toi, tu penses tactique. On va leur demander leur avis en pensant qu'ils vont nous, ils vont pas nous enduire d'erreurs. Comme enduire, tu enduire. Allez, on va t'enduire. À vous demander l'avis, parce qu'on parlait avec Bibounette là. Vous demandez l'avis? Allez, allez-y. Fais comme donnez-nous la réponse. Vas-y, Juju. Non, attendez. Vous la donnez ensemble. D'accord. 1, 2, 3, 4. Deux films. Ah, le salaud. Une des deux est la bonne. Alors, tu sais ce que je ferais si j'étais dans un jeu télé, là, maintenant, Nico ? Ouais, vas-y. Non, Nico, je grillerais le deuxième joker pour avoir la victoire encore plus belle. Ah ! Vas-y, c'est toi le patron. Allez, vas-y, mets le 50-50, Dallas. 2 ou 4. Oh, l'enfoiré ! Je savais qu'on était mal reçus ici. Je le savais. Ah, c'est magnifique ! Je le savais. Vous allez me l'énerver, là. Je le savais. Non, mais c'est juste pour savoir. Les quelques mais arrêtez, parce que c'est moi qui le récupère derrière, sachez-le, après. Hein, les auditeurs qui nous écoutent, sachez-le, c'est des bâtards, tous autant qu'ils sont. Par pitié, Circé, ne te noie pas dans la piscine en nous écoutant. Tain. Mais non, il n'y a pas triche, je te scandale jure. Scandale. C'était obligé, ils ont dit 2 et 4. Scandale. Que Yaya, oui, mon chéri. Je t'aime aussi. Je crois que Michidar, il vous aime plus beaucoup. Une des deux est la bonne réponse. Est-ce que tu peux me citer d'autres films de Scorsese, Nico ? Waouh, putain. Là, comme ça. Nous, mis à part ceux qui sont récents ou dans lesquels Joe Pesci, je ne alors, le joue pas. Ceux de l'époque. Il y a peut-être L'Impasse, et encore, je suis même pas sûr que c'est lui qui l'ait réalisé. C'est Coppola. C'est ah ouais. Coppola, ouais, tu vois, donc je suis à côté, c'est ce qu'elle disait. C'est pas le bon trou. Alors attends, Scorsese, je vais dire une énorme connerie, mais merde. Oh putain. Mais Casino, c'est bien de Scorsese quand même, je suis pas en train de dire une grosse bêtise. Je crois que oui. Non, ça c'est bon. Ok, ça, donc c'est il joue dedans, oui. Les Affranchis le aussi. Le truc avec Al Pacino là. Bah c'est Casino. Tony Montana. Ah, dans Scarface. Scarface, c'est Scorsese, non? Mais il joue pas. Vous me faites trop rire. Non, mais tu me dis, donne-moi d'autres films de Scorsese. Attends, c'est Scorsese qui a fait Scarface? Mais non, c'est pas Scorsese. Non, c'est pas Scorsese. Non, c'est De Palma. Oui, merci. D'accord. Écoute, je suis complètement à côté de la plaque. Tu sais ce que je vais dire? Là, comme ça, là. Je vais redire ce que j'ai. Je vais redire ce que j'ai dit au début. Parce que Bibou, je pense qu'il est honnête, alors que Fanny, j'ai aucune confiance. Oh, eh ben, ok. Que le public entende ce que Mathieu vient de dire. Donc sur je vais Nini dire deux. Et qu'il retienne. Je vais dire deux, okay. Parce que c'était ma première réponse. Et que tout ça d'accord n'aura servi à rien. D'accord. Nico, tu choisis quel camp? Ah non, mais moi, démerdez-vous, en fait. Alors, deux, Les Dallas. Smith. Deux, tu valides? Je valide. Je retiens Mathieu. C'est une mauvaise réponse. Oh non. Ah. Puisque c'est 4. Je suis désolé, voilà, je retiens. Je suis vraiment sincère. Non, non, mais c'est... je retiens. Tu les as, Fanny, ou pas? Oui, vas-y, moi je les ai. Vas-y. Les Affranchis, oui. Casino, Racing Bull et Irishman. Oh, nom de Dieu. Je t'aime, Fanny. Oh là là, mais je... Mais moi aussi, moi aussi. Nini, Juju, qu'est-ce que je vous ramène alors pour la raclette là, la semaine de samedi? Tu vois, là, Nico, je pense que Mathieu ne sera pas invité. Nico, si tu avais été un peu meilleur, tu m'aurais donné les noms des films qui manquaient là, genre Racing Bull, Irishman, j'aurais su. Je suis de très mauvaise foi, je suis désolé. Au fait, au passage, non, Julien, voilà, pas merci joueur de m'avoir induit en erreur alors que Bibounette a été gentille. Et en plus, t'as rien. Et en plus, si, il est enfermé. Et en plus, t'as même pas essayé de contredire. T'aurais pu soutenir Bibounette, mais même pas. Mais d'où je vais vous aider? Vous êtes parti en live avec Scarface. Genre, Pretty Woman, c'est Scorsese? Oui, je crois que c'est Scorsese. C'est qui a fait Scarface? C'est Scorsese? Mais non, mais ils ont craqué, quoi. Mais non, mais Mathieu est toujours invité à la raclette, bien sûr. Ah, d'accord. S'il ramène le voilà. Je n'aurais peut-être pas. Le saucisson. Tu ramènes le voilà. Tu ramènes le voilà, Mathieu, ou tu pas ramènes le c'est saucisson. Quoi un voilà? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, tu voilà ramènes le saucisson. À voilà, voilà. À l'ail, bien sûr. À l'ail est grand. Pardon. À l'ail est grand. Non, mais parce qu'on va en prendre un petit saucisson. On va le prendre grand. Il est magnifique, celui-là. À l'ail est grand. À l'ail est grand. Alaï Wagba. Alaï est grand. On va passer à la suite. C'était la culture religieuse. Oui. La minute religion, c'est bien. Alors. Bon, on a fait les Chinois, on a fait les Arabes, c'est bon. C'est bon. Attendez, c'est pas fini. Dans Black Panther. On n'a pas cité. Dans la liste de Schindler. Dans le fist de Schindler. Ah non, c'est horrible ça. Alors. Oh, je m'en souviens de cette histoire. J'ai en plus, ça se passait sous la douche. Moi, c'est le ventre, là. C'est ce qu'elle disait. Ça se passait sous la douche en plus, non? Ah non, quelle horreur, on recommence pas. Non, non, c'est bon. Allez, allez, prochaine question. Prochaine question. Dans le James Bond Moonraker en 1979, le personnage interprété par Michael Lonsdale, Hugo Drax, cherche à acheter un monument que le gouvernement français, donc bah, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, hein, refuse qu'il l'exporte hors de France. Mais de quel monument s'agit-il? Est-ce que c'est l'Arc de Triomphe, le château de Versailles, la tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel? C'est l'Arc de Triomphe. Vous validez l'Arc de Triomphe? Oui. Oui, mais c'était la tour Eiffel. Oh putain, mais bébé. Bah, ouais, mais je franchement, bah, j'ai eu... Nini, pas de raquette. Bah, ouais. Je suis désolée. La tour Eiffel. La tour Eiffel. Et c'est une bonne réponse. Ouais, en plus c'est un de mes James Bond préférés. Je suis désolée, je suis partie. Attends, excuse-moi, attends, pardon. Moonraker est un de tes James Bond préférés. Ouais. Oh là là, Michel Darcy juge très fort. Non, non, non, du tout. C'était une information qu'il fallait que je procède. Ah, donc tu ne juges pas Nico sur ses choix filmographiques. Oh, si, et pourtant, il faudrait qu'on en parle. Ni ses choix musicaux. Parce que... Moonraker, c'est. Allô c'est bien kitschou quand même. Oui, mais j'aime bien. J'aime bien. Ouais, mais c'est les James Bond de notre époque. Et est-ce que je te juge, moi, sur tes nanars que t'aimes bien? Non, je ne Comment juge pas. Comment ça? De quoi parles-tu? C'est quoi le mais film nanar? Mais ça doit être une horreur à exporter. Parce que tu le démontes, ok. Tu ranges les boulons dans des petits sacs. Voilà, tu notes les petits sacs. Mais, mais après, il faut le remonter. Bah, tu mets des numéros sur les pièces, comme ça tu les retrouves. C'est pas pratique, ça. Tu imagines le nombre de numéros qu'il aurait Tu sais que les Allemands ont fait ça avec un temple grec en Turquie, hein. Et c'est ils l'ont ramené à Berlin. Ils l'ont démonté, ils l'ont ramené à Berlin. Pierre par pierre. Ouais, mais les Allemands, ils avaient comme de la classe, quoi. Deutsche Qualität, hein, quand même. Oh, on verra pas du tout, ça va. tout va bien. Tout va bien. On va passer à la question. On va pas se changer de sujet. Au niveau du score, on est à combien là? Parce 3-3. Que je crois que j'ai loupé des points. On est à 3-3, mais nous, c'est à nous de jouer. Oui, et vous avez une question d'avance. Quel est le prénom de la fille de Marty McFly dans Retour vers le futur 2? C'est trop facile, ça. Ils n'ont pas le droit. Est-ce que c'est Marlène, Linda, Maggie ou Sylvia? Marlène. Je suis dégoûtée. Vous validez Marlène? Pour moi, c'est Marlène. Moi, je fais confiance au prof. Et c'est Marlène. Enfin, je devrais dire au capitaine. Au capitaine. Pour moi, c'est Marlène. Ouais, ben bah, voilà, c'est bon, je suis dégoûtée. Et c'est voilà. Interprété par... Michael J. Fox. Michael J. Fox, bien sûr. Et donc, eux, ils ont les questions faciles. Bah, c'était donc, ton James Bond préféré. Tu sais que techniquement ta question était facile. C'est juste que tu t'es planté comme un caca, c'est tout. C'est oui, pas, bah voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je me suis planté comme un caca. J'ai répondu trop vite. Tu as été trop vite. Voilà, j'ai même envie de dire que tu as choqué Bibou, qui a dit, bah, bébé. Oui. Voilà. Bah, voilà. Surtout que, déjà quand je regardais ce James Bond, je disais, c'est marrant parce qu'il vole un monument dans la ville où je suis née qui a les mêmes initiales que moi. Eiffel. Enfin bon, oh la vache! Ah oui, Jacques de quand j'étais petite. Waouh! Wow. Parce que j'étais en train de me dire, tu t'appelles pas Paris ou un PR? Non, mais avec mon tu nom es de famille, à Paris, mon prénom. Mais je suis née en 13e. Nous partageons donc notre ville de naissance? On en a déjà parlé. Mais oui. Ah, bah, non, on en a déjà parlé. Je suis désolé, je commence à vieillir et ma mémoire se fait moindre. Te fait des failles. Des failles, tout à fait. Tout à fait. Salut, failles d'ailleurs. Allez. Voilà, mais je suis du 13e, hein. Puis j'ai fait mes premiers pas à plaisir. Ok, on en parlera à la raclette. Le deuxième pas du plaisir. Juste pour info. Le troisième, c'est souffrir, parce que t'as dû te casser la gueule. Voilà. Et le tout fait des souvenirs, donc c'est bon. Voilà. Le tout, c'est des souvenirs. Hein. Non, mais c'est on s'en branle. En fait. Il y a le premier, oui, puisque le premier, c'est désir. Oui, puisque Linda est donc la sœur de Marty, Maggie, c'est la femme de Seamus, et Sylvia, c'est la maman de George McFly. Ah bon, petite histoire. Je ne suis même pas sûr qu'on entende le prénom de la mère de George McFly dans Retour vers le futur. Hein. Non, on ne l'entend pas. On entend le père, le prénom du père quand il ramène la télé, mais je ne suis pas sûr qu'on entende le prénom de la mère. Hein. Je crois pas. Maggie, on l'entend, bien sûr. Mais Maggie, il y a quand même son et il ramène un lapin. Vous voulez un petit peu de l'eau le dîner. Et vous voulez un petit peu de l'eau? Un petit peu de l'eau. Alors, question suivante pour... Alors, on en est où? Bibou et Bibounette. Ouais. Voilà, question. Juju et Nini. Lequel de ces quatre films n'est pas un remake ou une seconde adaptation? Moi, je réponds plus. C'est bon. Est-ce que c'est Sur la route de Madison de Clint Eastwood ? Est-ce que c'est Les nerfs à vif de Martin Scorsese ? Man on Fire de Tony Scott ? Ou Le Hit de Michael Mann ? Lequel de ces films n'est pas un remake ou une seconde adaptation ? Pas de Scorsese ? C'est bizarre. C'est bizarre qu'on ait pas eu la question parce que je sais pas si vous le savez, mais dans Hit, il y a Val Kilmer. on a eu une question sur Hit qu'on avait foiré d'ailleurs au précédent. Ouais, oui. Ouais, mais c'était le troisième, septième du film, je sais plus quoi ce que c'était la question. Lequel c'était... de ces films n'est pas un remake ou une seconde adaptation ouais. Oh, c'est dur. J'aurais pas aimé l'avoir, celle-là. C'est très difficile. On peut vous aider par contre, parce que Nico sait. Tu penses que c'est Hit ? Je suis pas sûr, mais ça se trouve, tu vas nous trouver un vieux film pourri des années 20. Là. Alors, t'as dit La route de Madison. Les nerfs à vif. Man on... Les nerfs à vif. Man on Fire. Et Hit de Michael Mann. Il y en a déjà, il y en a deux dans les trois là qui sont des adaptations ou des remakes. Quoi. Il y en a trois qui sont des. Qui sont des remakes ou des adaptations. Ou des deuxièmes adaptations d'une œuvre. Oui, bah c'est Hit. Mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Parmi les quatre, il y en a trois. Parmi les trois, que tu viens de dire, il ne t'aurait pas donné la réponse quand même. Non. Parmi les quatre, il y en a trois qui sont qui ont déjà été tournés avant. On va dire. Par contre, je m'interroge sur la formulation de la question, si je peux me permettre, Yannick. Pourquoi tu dis le Hit de Michael Mann et que tu n'as pas donné le nom de... Ah si, tu as dit pour Clint Eastwood, désolé. Mm-hmm. Tu n'as pas dit pour les deux autres. Oui, parce que je n'ai pas dit. Ouais, je pars sur Hit, moi. Et toi? On va tenter Hit, mais je suis fébrile. Et tu partirais sur quoi alors? Je pense que c'est dans les deux derniers. Vous avez un 50-50. Donc, un 50-50 et... Oui, et... Parmi les deux derniers. Trop tard. Non, on hésite entre les quatre. entre la route de Madison. Non, mais c'est mort. Je l'ai dit, j'ai pas pensé au Joker. On va faire un 50-50. Ah ouais. Vous faites un 50-50 ? La raclette a du plomb dans l'aile. Je vais vous laisser Sur la route de Madison. Yannick, t'es un... Et Hit. Yannick, tu t'as pas le droit de faire ça. De faire quoi ? Oui, donc Hit. Mais non, t'as pas le droit. Il a dit... Bibou, il a dit ça devait être un des deux derniers et... Non, après, j'ai dit, on hésite entre Madison et Hit, et il est reparti. Michidar, vas-y, je te félicite, Bibounette. Michidar, j'ai fait une astuce, coups d'avance. J'avais déjà tout prévu. Non, bah du coup, c'est Hit, voilà. Ah, dites-moi donc, pour vous, Hit n'est pas une adaptation ou un remake. Dites-moi que c'est pas la bonne réponse. Et c'est une mauvaise réponse, puisque c'était Sur la route de Madison. Hit est un remake d'un téléfilm qui s'appelle Le LA Takedown, réalisé par Michael Mann en 1989. Les nerfs à vif est un remake d'un film en 1962. Et Man on Fire a déjà été réalisé par Eli Shouraki en 1987. Attends, pardon, Eli Shouraki, celui qu'on connaît en France. Et la route de Madison, c'est pas une... Oui, Eli Shouraki, l'ancien international de volleyball. Et la route de Madison, c'est pas une adaptation d'un roman. Moi, c'est le type qui a mis en scène les 10 commandements. Tout à fait. Il a fait Man on Fire en 1987. Mais la route de Madison, c'est l'adaptation d'un roman. Et alors, c'est pas un remake. Oui, mais c'est pas un remake ou une deuxième adaptation. C'est-à-dire que tous les films ont déjà été faits au moins une fois en film. Ah, ok. C'était hyper tordu comme question. J'avais pas compris la. Ah, bah, ou seconde adaptation. Alors Yannick, toi qui es un grand cinéphile et un fan de Hit, est-ce que tu as lu la suite ? Du coup, tu l'as topé le bouquin ? Bien sûr. Et alors c'est bien ou pas ? Parce qu'il faut savoir que donc Hit, enfin Michael Mann a écrit la suite de Hit dans un bouquin, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Hit 2. Ok. Et alors est-ce que c'est bien ? Alors ça dépend, je pense que Michael Mann est un réalisateur incroyable, c'est peut-être pas un bon romancier. Et j'ai pas spécialement. Alors, dans le bouquin, il y a du flashback sur ce qui s'est passé avant et l'histoire, en fait, de Val Kilmer, de ce qui lui arrive. De Chris Shields. De ce qui lui arrive après. Et je t'avouerai que, bon, j'ai pas été spécialement emballé, j'ai trouvé correct. J'ai plus aimé, en fait, la partie flashback. D'accord. Parce qu'il y a. Il y a Robert. Je l'ai dans la tête quand je lis. Hein, je le vois. Mais sinon, voilà, le bouquin est correct. Mais il va l'adapter. Anecdotique. Il va l'adapter. D'accord. Ok, bah, sans ouais, Valkyrie. Bah ouais, ça va être compliqué. Ouais. Non, non, ça va être très, très, va être très, très compliqué. Merci Yannick pour ces précisions. Bah, de rien, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Mais oui. Alors, autre question pour donc Michida Reigo. Quel acteur ne figure pas au casting du Fort Sympathique qui n'est pas revu depuis longtemps d'ailleurs, le Space Cowboys tourné en 2000 par monsieur Clint Eastwood? Okay. Lequel des quatre n'est pas dedans? Est-ce qu'il n'y a pas Donald Sutherland, James Garner, Gene Hackman ou Tommy Lee Jones? Moi, j'irais Garner, moi. Alors, Tommy de base, Lee Jones, il de y base est, comme c'est ça, sûr. Pour moi, c'est Garner qui est pas. Mais après, je... Attends, vas-y, vas-y, vas-y. En vue. Je me rappelle pas bien. Tu peux nous les redire, Yannick, s'il te plaît. Gene Hackman. Donald Sutherland, James Garner, Gene Hackman. Pour moi, Gene Hackman, il y est aussi. Tommy Lee Jones. Non aussi. Et Tommy Lee Jones. Ouais, ouais. Tommy Lee Jones. Que... Donc, c'est Garner qui y est pas, alors. Écoute. Qui serait pas. Allez, on est d'accord. Mon capitaine. Non, non, non. Tu as l'air de mieux savoir que moi. Mais moi, j'ai l'affiche en tête, moi. En les croisant, enfin en croisant nos... Nos flux. Allez, vas-y. Voilà, c'est ça. Vous validez. Il faut vous pas validez. Croiser les flux. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse, puisque c'est Gene Hackman qui n'est pas dans le film. James Garner joue. On a tellement l'habitude de le voir dans c'est tout vrai, Gene ouais. Hackman que voilà. Mm. Tu connaissais la réponse, toi, Juju? Ouais, bah oui. Bien sûr. Le dépit. Le dépit. C'est mon Scorsese préféré. Cordialement. Alors, Julien, je t'emmerde. Je vais être sage, ça n'a pas tenu longtemps. Hein. On va vous envoyer la filmographie Scorsese. De Scorsese. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et signé cordialement. Cordialement. J'aime beaucoup le Forrest Gump de Scorsese aussi. Il est bien. Mais allez vous... Magnifique. Allez tous vous faire cuire le cul. Voilà. Au barbecue. On fait un petit jeu audio. Oui. Ah, ah oui, oui, un petit jeu audio. Je vais vous passer une bande annonce de film, la bande annonce logiquement originale d'un film, donc en VO. D'accord. Ah. J'ai pris suffisamment cher sur les VF. J'ai pris de la VO. Le premier qui trouve me donne le titre du film. Il y en a 5. Que t'as pas modifié. Ou 10, peut-être 10, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon, il y en a 5. Et puis, bah, c'est parti. Ok. Thank you one and all and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's Christmas Eve. Die Hard. Oui, bien joué, oui, oui. Oh, Die Hard. You want money? What kind of terrorist? Come on, money. Who said we were terrorists? Ah, ça donne tellement envie de le voir. Il est pécaillé, pauvre con. I got a machine gun. On passe au suivant. Oui. Allez, c'est parti. Soyez attentifs. He's here. I can feel it. Halloween. Terminator. Non. C'est un carpent. Ah. Ah oui, The Thing. Non. Halloween. Non. Vendredi 13. Non. Freddy. Non. Evil Dead. Non. J'entends pas ce qu'il raconte. Scream. Non. Oh, because I spend all my time chasing guys. Scarface? Non. I do what I do best. C'est pas Hit? I take scores. Si, c'est Hit. Ouais, j'ai reconnu Al Pacino. Déjà. Voilà, la voix de Pacino. C'est Michi Dark qui a trouvé la bonne réponse. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bon, ça m'énerve. On fait le troisième. D'ailleurs, 2-0. Histoire de gagner. Ouais. Abyss? Non. Contact. Non. Le cinquième élément. Jurassic Park. Le cinquième. Ah. Jurassic Park direct. Oui, Jurassic Park. Ah, bravo. Bien joué. Ah, yes. Bien joué, Jurassic Park, bravo. Bien sûr. I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. J'ai dépensé 100 000 pour trouver cette bonne annonce. Mm. Oh. Oh là là. On fait, alors, 2-1. Il en reste 2. Tout est jouable encore. C'est parti pour l'avant-dernier. I don't suppose they... told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Apollo 13? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and two little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some Shining. Point, oui, bravo. Oh, celui-là, il était chaud. Alors, ça aide... Non, mais je tiens quand même à dire que je comprends bien l'anglais, donc du coup, ça aide vachement quand même, parce que tant que je comprends un peu au bout d'un moment le texte, il est en train de dire un type qui était complètement normal avec ses... Enfin, au bout d'un moment, j'ai eu de la chance, c'est tout. Je comprends ce qu'il se dit, c'est tout. Parce que sinon, je connais pas les films, je sais pas... Je fais la connerie de me concentrer sur la musique, ah, ça... alors que souvent la musique qu'il y a dans les bandes annonces, c'est souvent pas la bonne, en effet, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, bah, pour le fun, bon, bien la dernière, sûr, mais on s'amuse. Coup, bien entendu. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand je gagne ? Apollo 13. Non. C'est pas Titanic non plus. Hein. Non plus. On est sur c'est pas Abyss ? Non. Non plus. Interstellar. Non, non plus. Ah, oh, ça me. Mais non, c'est pas Interstellar. Il y a un hélicoptère. Supercoptère. La chose. Ah, oui. Putain, mais oui, ce signe. Excusez-moi, j'ai perdu un petit signe. Bien vu, Nico. Bien ma sonorité, moi, de donc je. Oula, Michida. Je vais être déconnecté, reconnecté. À tout de suite. Alors, donc ça fait donc un point pour Ego et Michidar. On est donc à 5-3. Tout à fait, oui. Alors, Fanny, l'écart se creuse. L'écart se creuse, mais il est encore possible d'égaliser. Ok. Alors, Fanny, Julien, combien de fois ont collaboré John Carpenter à la réalisation et Kurt Russell en acteur pour un film sorti au cinéma ? Est-ce que on va appeler Aurélien. 3, avec grand plaisir. Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6 ? Oh la vache, autant déjà, ouais. 3, 4, 5 ou 6. Oui. Bah, de toute façon, vous connaissez quasiment tous ces films, donc énumérez-les, vous allez les retrouver, je suis sûr. J'ai mais confiance en vous. Si... Je suis pas si connaisseur de Carpenter que ça. On t'entend plus. C'est ça, ouais. Ah oh, putain, je dirais 3. Tu as dit quoi ? T'as dit 3 ? 3, 4, 5 ou 6, ouais, c'est ça ? 3, 4, 5, 6. J'en ai un. Nous, c'était 4 la réponse. Si ça peut aider. Non. Vous pouvez demander. Il nous reste comme, eh bien, vous pouvez demander l'avis. Bon, allez-y. Faites-nous. Ils vont faire plaisir. Mais d'accord. Alors, vous savez quoi ? On va utiliser notre joker, mais vous donnez la réponse en même temps tous les deux. Mmh. Non, pas sur celle-ci, parce que Nico, il n'y connaît rien. On fera plus tard. Nico, tu t'y connais en Carpenter un peu ou pas ? Non, pas autant du tout. Autant que Scorsese. Ouais, voilà. Est-ce que, c'est vrai. Est-ce que j'ai la tête ? On va la garder pour plus tard. Est-ce que moi, j'ai la tête ? Autant que Scorsese. Est-ce que moi, j'ai la tête de quelqu'un qui n'y connaît en Carpenter, alors que j'ai pas vu 20 minutes de Walking Dead ? Attends. Alors tiens, moi, j'ai vu quasiment tous les Carpenters. Ouais. Après, tu as dit quoi ? J'ai vu quasiment tous les Carpenters. Parce que moi, je suis pas un bébé, non, moi. je suis un bébé. Je mauvais sur la fin. Je suis complètement un bébé, il n'y a pas de problème. Alors là... Mais par contre, ouais, je les compte. Ma fille va au cinéma toute seule voir le dernier Exorciste. Elle y allait toute seule. Hein. Je l'ai déposé au Cinoche, je suis parti. Hein. Il voulait même pas rester devant le Cinoche. Ah non, je lui ai dit, je te récupère à la fin de la séance. Elle était toute contente. Moi, je vais pas voir ça. Hein. Et toi, t'as été voir la Patte Patrouille. J'aurais aimé. Il y a qu'une seule salle dans mon cinéma. 3, Attends. Excusez-moi, on fait attends, les on est en train de... Attends, attends, attends, parce qu'on est... Attends. Sur Wikipédia. Non, non, non, non, non. Alors je là, sais, franchement, je plaisante. Vraiment, non, non, je jure sur... Mais non, ouais, mais t'as pas besoin de jurer. Pas t'as pas besoin de jurer. Évidemment, je sais que vous ne le faites pas. La vie de ma mère. C'est sur Walla. On en a trois, mais... Mais là, je pars sur... Il va peut-être nous en manquer. J'ai dit trois au début, mais je suis en train de partir sur quatre. Toi, tu dirais quatre. Moi, je disais quatre tout à l'heure, mais complètement au hasard. Ah, non, parce qu'il y a The Thing, il y a les New York. Il y a les deux New York. Et je crois qu'il y en a un autre, mais j'arrive pas à remettre le nom. Et je crois qu'il y en a encore un. Mais je suis pas sûre, et je crois que c'est trois. Carpenter. Mon premier sentiment, c'était trois. Carpenter, Carpenter. Vite, filmographie, Carpenter dans ma tête. J'ai l'impression d'être Johnny 5, là. Non, je dirais quatre, en fait. On part sur quatre, mais ce serait quoi? Comment il s'appelle ce film? Ah putain, je vais passer pour un énorme con. Non, celui qui a, celui a fait, réalisé en collaboration avec Scorsese. Non, non, je te non. le dirais bien, mais t'es, t'es vraiment un gros connard non, en fait. Vas-y, donne-moi les infos, je vais te donner le titre. Donne-moi les infos. C'est un film de. Fin... Non, j'ai plus le nom. Moi, je l'ai le titre il que tu cherches, Julien. En fait, c'est vrai. Non, non, pas c'est pas si. Vrai. Ah si. Vous savez quoi? Dites-le. Après, je vous dis le titre et on va voir. Non, je pars sur 4. Ben, je suis Julien. On part sur 4. Et c'est une mauvaise réponse. C'était oh, 3. Alors, c'était combien le film que tu cherchais, en tout cas, je suis sûr que c'était Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ah putain, Jack Burton. Je lis dans ta tête, Julien. C'est ça. C'est putain, ça. Jack Burton. Nous avons donc Scorsese. Les 4 et il y en a un 5ème. New York 97, Los Angeles 2013, voilà. The Thing, Big Trouble in Little China, Big qui est donc Jack Burton, et le roman d'Elvis. Putain, ah, vas-y, le roman d'Elvis. Ouais, putain, bravo. Wow. Tu vois, moi j'étais à 4. Soyons honnêtes, j'avais compté 4. Mais le roman d'Elvis, c'est vrai. Que je n'ai pas putain, vu. Jack Burton, je comprenais, mais alors là, le roman d'Elvis. Un petit coucou à Aurélien. Complètement à la ramasse. Et qui fait un point commun entre Kurt Russell et Val Kilmer, puisqu'ils ont joué, ont interprété tous les deux le rôle d'Elvis. Exactement. Et c'est pas dans True Romance. Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Allez, on se réconcilie, Julien. Il était très très bon d'ailleurs. Par contre, Ego, on dit Scorsese. Non, Scorsese. Et en joignant la main devant comme ça, Scorsese, s'il te plaît. Arrêtez, ça me rappelle trop les Sopranos. Alors, Ego et Michidar. Je vous ai dit en début d'épisode que ce que je vous ai passé un petit extrait donc, du dernier épisode. Oui. Il est temps pour vous, enfin surtout pour. Pour toi et moi, je pense surtout pour moi. Oui. Je vais donc vous passer une question audio tiens. Qui m'a été envoyée par une personne cordiale, chère cordialement. Cordialement, et je vous passe la question. Et chère à Bibou et Bibounette. Bien entendu, qui dure, comme vous pouvez vous en douter, aussi longtemps qu'un épisode de 4h55. Voilà, salut tout le monde, ici c'est Draven et je suis très heureux d'avoir été invité par Yannick à vous poser une petite question pendant ce quiz. Alors, d'abord, j'en profite pour saluer tous mes amis qui sont présents. Yannick, déjà. Salut, Bibounette, Michidar, Bibou, je vous adore, tous et toutes. Vous êtes mes potes, c'est cool, et je vous kiffe. Ah, il y a Ego aussi, oui, bah, bonjour Ego. Voilà, Ego qui a dit que j'étais nul hein, lors de votre premier enregistrement. Je n'ai pas oublié. Alors, justement, voici ma petite question. Je me suis un peu cassé la tête pour vous trouver un truc vaguement en rapport avec Stucom, pour mon ami Michidar. Mais sans oublier mes propres passions. Et je crois que j'ai trouvé un truc sympa. Alors, c'est juste que je ne sais pas si c'est connu ou pas. Peut-être que c'est très connu et que ce sera très facile. Moi, j'espère plutôt que ce sera très difficile. Mais bon, bah, je ne sais pas, vous me direz. Alors, écoutez-moi bien. En juillet 1962. Alors oui, c'est moi, hein, vous me connaissez, l'intro. Mais on y arrive, hein, y aura une question à la fin. Donc en juillet 1962, ont eu lieu des accomplissements techniques historiques. C'était les toutes premières transmissions télévisées par satellite entre deux continents, les États-Unis et l'Europe. Et le satellite s'appelait le Telstar 1. Alors, ces communications, elles ont été effectuées entre la station américaine d'Andover, dans le Maine, et le radeau français de Plumer-Baudou, en Bretagne. Exact. Oui, ça, je connais cette histoire. Sur ce truc-là. Mais... Alors, la première transmission télévisée, elle s'est effectuée dans le sens USA-Europe, avec des images de la Statue de la Liberté et de la Tour Eiffel, qui auraient dû être suivies d'un discours du président Kennedy, mais il n'était pas prêt. Du coup, à la place de Kennedy, les Européens ont pu voir un extrait d'un match de baseball. Voilà. Bon. Ce qui est plus intéressant ici, et ce qui va faire l'objet de ma question, c'est un peu plus tard, quand la communication est partie dans l'autre sens, de la France vers les États-Unis. Les Américains ont pu voir et entendre des images préenregistrées d'un drapeau américain flottant devant le radôme de Plummer Baudou, sur fond sonore d'hymne américain. Un peu lèche-cul sur ce coup-là, les Français. Ensuite, ils ont pu voir plusieurs interprètes de chansons françaises. Et pour terminer, il y avait un message, cette fois en direct, des responsables anglais de cette transmission depuis leur salle de contrôle. Bon, ma question, c'est, lors de cette toute première transmission télévisée par satellite de l'Europe vers les États-Unis, quel est le célèbre chanteur français qui est apparu en premier à l'image, après les images du drapeau américain, et que les Américains donc ont pu entendre chanter l'une de ses chansons? 62, est-ce que c'était Johnny Hallyday? Ah. Est-ce que c'était Richard Anthony? Est-ce que c'était Yves Montand? Ou est-ce que c'était Charles Aznavour? Donc, je répète, quelle a été la toute première star française dont l'image a été transmise vers les États-Unis par satellite en juillet 1962? Johnny Hallyday, Richard Anthony, Yves Montand ou Charles Aznavour? Voilà, bonne chance à mes amis ainsi qu'aux autres. À plus. Bah, Michidar, je te rejoins. Sans avoir les propositions, je pensais à Yves Montand. Moi, j'ai dit Yves Montand aussi avant même les propositions. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc voilà. Alors, si, cette question ne m'est pas adressée, mais moi, je dirais Johnny pour bien représenter la France. Il est belge. Moi, je dirais Johnny. Scorsese n'était pas disponible ce jour-là. Justement. Je ne sais pas. Est-ce que les Français ont voulu montrer un style de musique qui était américain ou vouloir montrer un truc qui était français en 62 à l'idée il 62, était pas encore le mec le plus connu c'est Montand 62, aux États-Unis j'imagine que c'est certainement pas Montand, Richard Anthony au secours Aznavour je pense pas qu'il ait autant d'aura aux États-Unis en 62 encore même s'il était déjà ça connu. N'a rien à voir avec la connaissance des États-Unis ouais mais non c'est France. Pas ça c'est que c'est la personne que veut montrer. Ben oui, la mais Montand était connu aux États-Unis. Avec Piaf, ils étaient connus. Bah, Montand, allez, nous on a dit Montand avant même la proposition. De toute façon, on a deux points d'avance. On a deux points d'avance. Regardez-moi. Moi, j'ai dit Montand avant même les propositions. Tu valides Yves Montand? C'est vrai, ça c'est vrai. Je valide ici. Sur cette superbe question de mon ami Draven, qui est un garçon si brillant. Tiens, ta gueule, tu vas voir ta gueule, Draven. Tiens, et prends ça. Cordialement, Draven. Cordialement, Draven. Ah bah, je te tape dans la main à distance, Mathieu. Ah bah, donc vous c'est... validez Yves Montand? Oui. Vous validez Yves Montand, alors? Mais oui, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. On est trop fort, okay. Qu'est-ce que tu crois? Bon. Ouais, ouais, ok. Nous sommes donc à 6-3. Oui, oui, bah oui. Alors, je propose pour l'esprit sportif que le dernier jeu rapporte 3 points. Ah, et bien je suis d'accord est-ce avec que, toi. Est-ce que Ego et Michida vous validez histoire... Non, mais c'est toi le pas aussi, pas Yannick. Hein. Je peux pas choisir pour vous. Tu valides, toi, Juju? Ouais, carrément. Attends. On a 3 points d'avance? Oui. Oui. Et donc tu veux que... Bah oui, bien sûr, évidemment, le bien sûr, il faut que la dernière fasse 3 points, bien sûr, évidemment, bien sûr. Sinon, c'est alors, pas drôle. La dernière fait 3 Ce points. Ce qui veut dire qu'on aura donc 6 points d'avance quand on aura gagné. Vous verrez. Nini et Julien. Attends, c'est 3 points pour eux, mais nous... Ah bah ce sera 3 points pour ah vous d'accord. Aussi, mais bon, s'ils voilà. ont une mauvaise ah réponse, bah oui. ça ne changera rien. Ce sera 6 à 3 ou 3, enfin 6 à 6. 6 au 6, à l'ail. 6 au 6. 6 au 6, à l'ail. C'est grande. À l'ail. Je vais vous lire 4 synopsis de films. Ah, j'adore. D'accord. Un est faux. Et les trois autres sont vrais. Il faut trouver le film qui est, a été inventé. Ok. Bibou, tu te concentres. Oh, ouais. Allez. Le oh, la violence. Premier synopsis s'appelle Troll 2. La famille Waits passe leurs vacances dans la ville de Nilbog. Rapidement, leurs vacances tournent au cauchemar car la ville est infestée de gobelins végétariens qui veulent transformer la famille en plantes pour les manger. Le deuxième film, Evil Bong, étudiant modèle, Alistair emménage dans l'appartement de Larnell, Bachman et Brett, trois glandeurs qui ne pensent qu'aux filles et à fumer de l'herbe. Avec le loyer d'Alistair, Larnell décide de s'offrir un bong hanté aux effets détonnants. Quand le paquet arrive, les colocataires décident aussitôt d'user de leur nouvel ustensile pour planer. Ce qu'ils ignorent, c'est que le septième ciel est un monde peuplé de stripteaseuses démoniaques, de nymphomanes et de poupées aussi lubriques que sanguinaires. Des nymphomanes. Oui. Alistair unit alors ses forces avec le légendaire Tommy Chong, le vrai propriétaire du bong, pour sauver ses colocataires. C'est quoi ? Le troisième film s'appelle Kung Fury. Kung Fury, détective de la police de Miami dans les années 80, voit son coéquipier abattu par un ninja. Après avoir été frappé par la foudre et mordu par un cobra qui lui confère d'impressionnants pouvoirs, il va devoir combattre une machine d'arcade devenue folle après avoir été frappé et insulté. Un laser raptor, à l'époque viking, Kung Fury va alors tenter de sauver le monde en remontant le temps et sera aidé par Barbariana, Katana et Thor lui-même pour tuer Adolf Hitler, le Kung Führer voyageant dans le temps. Donc ça c'est le 3. Ça c'est le 3. Le, okay. troisième film s'appelle The Kiss of the Loving Spiders. Dans un laboratoire secret au cœur de l'Amazonie, un scientifique spécialiste de la génétique crée une araignée mutante radioactive qui le mord accidentellement. Développant des capacités et des envies arachnides, le chercheur attire l'attention d'une araignée géante qui souhaite s'accoupler avec lui, créant une relation érotico-horrifique improbable. Donc là, on est d'accord qu'on doit dire celui qui est faux. Celui qui n'existe pas. D'accord. Il y en a donc trois qui existent. Il y en a trois qui existent. Le tout premier film que tu nous as donné, c'est Troll 2. Des gobelins végétariens qui veulent transformer une famille en plantes pour les manger. Ok, donc on a les gobelins végétariens, on a les mecs avec le bong le au septième ciel avec les nains nymphomanes. On a Kung Fury avec un détective qui allait tuer Hitler. Il y avait Hitler. Il y a des raptors, il y a des ninjas. Vous avez des raptors. Et le quatrième, c'est le scientifique qui se fait mordre par une araignée mutante radioactive et qui va s'accoupler avec une araignée géante. Ok, bah, Julien, il a marqué 3, on y va. Alors 3, c'est Kung Fury. Okay. Ça paraît bien barré quand même. Mais je pense que ça existe. Tu vas voir que c'est vrai. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Il existe ce film, je l'ai vu. C'est vrai. C'est le premier. Mais c'est pas la première fois que tu nous dis que t'as vu un film bizarre comme ça. Comment tu peux voir des films comme ça dans les festivals de nanar ou un truc comme ça? Ça se passe comment? Non, je suis curieux. Mais des limites. Kung Fury. Ah, mais excusez-moi, moi je regarde pas les films de Scorsese. Attends. Mais n'empêche que j'ai les réponses. Kung Fury est très connu. Oui, dans le monde du nanar geek est plutôt connu. Alors, je vous parle pas des effets spéciaux, c'est horrible, mais c'est très drôle. C'est tellement n'importe quoi. Et celui qui n'existe pas, c'était pas le premier par hasard? Non, le premier, il existe aussi. C'est pas pour les enfants, Troll 2, là. Il y a pas le Troll 3 qui est aussi noche en ce moment, d'ailleurs. Oh, c'est dommage, il a pas été réalisé par Scorsese. Oh, ça va. Non, c'est le The Kiss of the Loving Spiders qui n'existe pas. D'accord. Okay. Ah, cette défaite des gens qui... Attends, on n'a pas fini, on peut rajouter encore 3 points. Nico, on dit Scorsese. Ou en perdre 3. Vous pouvez en perdre 3. Ah non, on peut 3. Pas en perdre 3. N'oublie non, pas ça. On les perd pas ah bah les 3. Si. Non, pas du ah tout. Ah bah si, tu peux en perdre 3. Du coup, tu redescends à 3 et on est nouveau ex aequo. Bah vas-y, pose ta question, on va avoir la bonne réponse, ça changera rien. Parmi ces 4 films... On n'a rien perdu. Vous n'avez rien gagné. On est à 3. Parmi donc bien sûr ces 4 synopsis, lequel n'existe pas? Nous avons Norwegian Ninja. En Norvège, début des années 80, la guerre froide bat son plein. Le diplomate Arne Treholt, qui a réellement existé, est arrêté pour espionnage au profit de l'Union soviétique. Bien que condamné à 20 ans de prison, Treholt n'a jamais été un espion. Il était en fait un ninja au service du roi Olav, qui lui avait demandé de diriger une armée secrète de guerriers d'élite appelée la Ninja Force. nous avons Flamant Rose. L'inspecteur Paul Duchamp, un policier maladroit et malchanceux qui est sur la piste d'un mystérieux tueur en série surnommé le Flamant Rose. Le seul indice qu'il a est une plume de Flamant Rose trouvée sur une scène de crime. Pour résoudre l'affaire, Duchamp doit faire équipe avec un ornithologue belge obsédé par les Flamants Roses. T'allais dire un ornithorynque. C'est pas ce que j'allais pas dire. Je suis fatigué. Ensemble, ils se lancent dans une aventure absurde à travers les rues de Bruxelles à la poursuite du tueur. Mais lorsque Duchamp tombe amoureux de la principale suspecte, une danseuse exotique portant une robe en plumes de flamant rose, les choses se compliquent encore plus. Avec l'aide de son nouveau partenaire, Duchamp doit résoudre l'affaire et empêcher le tueur de frapper à nouveau. C'est un film de Jacques Weber, ça. Alors non, ça ressemble plutôt à un film chiant de Quentin Dupieux. c'est un pléonasme, pardon, voilà. Excusez-moi. Nous avons Miami Connection. Des motards ninjas contrôlent le trafic de drogue et sèment la panique dans la capitale de la Floride. Un groupe de pop-rock dont les membres sont adeptes des arts martiaux, les Dragon Sound, décident de rendre la justice à leur façon, principalement à coups de tatane dans la face et d'arrachage de gorge entre deux concerts au club du coin. Ok. Ça, c'est vaguement quelque chose. Et le dernier film, quoi. Ça s'appelle Bunny Opération Pussy. Oh non. Rien déjà, le titre est terrible là. Oh là là. Un groupe de Finlandais et de Britanniques sont coincés dans une cabane attaquée par une créature extraordinaire, un monstre mi-humain, mi-lapin au sexe surdimensionné. Oh non. En Finlande, un groupe de jeunes prévoit de passer le week-end à boire dans une petite maison isolée dans les bois. En chemin, ils font la connaissance de trois Anglais qui cachent quelque chose dans leur coffre de leur voiture en panne. Ils les invitent à passer la nuit avec eux. Mais une fois sur place, ils n'ont pas le temps d'en profiter car ils sont tous pris en chasse par une terrifiante créature. Donc mi-humain, mi-lapin avec quelque chose de très très gros, qui semble avoir d'incommensurables pulsions sexuelles. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un sexe de femme semble en effet le rendre dangereusement agressif. Lequel n'existe facile, pas. C'est facile. C'est facile. Non mais écoute-les, les cinéphiles en face. Là. Scorsese. Et tu l'as pas vu celui-là alors, Nico? Alors là, pour le coup, il y a... Il y en a aucun qui me dit quelque chose à part le Miami Connection, là, vaguement. Déjà, là, le dernier paraît tellement con que tu te dis que c'est possible, comme d'habitude. Mais ce serait vraiment un film, je sais pas, horreur, porno. C'est quoi cette histoire-là de... Je sais pas, c'est vraiment très étonnant. C'est lequel qui paraît le plus simple? C'est le premier avec l'espion norvégien ninja, là? Du roi? Putain, mais rien qu'à le raconter ouais, comme ça, ça paraît pauvre. Franchement, là, je suis perdu. On va pas vous aider, non? Non, bah non, tu peux pas, de toute façon. Il nous reste quoi comme joker? Ah bah on les a tous utilisés sur le même pour gagner. Pour gagner avec panache. Bah oui. Il y avait deux jokers ou trois jokers? Non, il y en avait deux, il t'écoute pas. Il a tout lâché sur une question. J'écoute pas. Je n'écoute pas. Oh, écoute, c'est toi le capitaine. Non, j'en sais rien, je sais pas. Franchement, le premier me paraît plus pauvre que les autres. Voilà. Après, les rockers qui cassent la gueule des ninjas Miami, là, toi, ça te dit quelque chose, c'est ça? Ouais, ça me parle vaguement. Ouais. Le dernier, il paraît très très absurde quand même. Mmh. Mais bon. Ouais, c'est clair. Vraiment beaucoup, quoi. C'est quoi ce lapin avec une grosse. C'est vraiment bizarre, mais après il y a des films tellement chelous dans ces domaines-là que ça pourrait quoi. J'en sais rien. Pif paf. Ouf. C'est quoi le deuxième déjà? J'en ai oublié un. Alors le deuxième pour vous, c'était Flamant Rose. C'est le Flamant Rose. Ah, Flamant Rose, comme ça doit exister ça. Je pense que ce. Ouais, allez. Ouais. Lui doit exister. On va dire que soit le 1, soit le 4. Le 4, parce que la dernière fois c'était 4 la réponse. Ouais, le lapin, le lapin avec la grosse bite, ça le fait pas. Le lapin avec la grosse bite, non, j'y crois pas. Il n'y avait pas de lapin. C'est pas possible. Donc vous validez ça? Ouais, vas-y, allez. On valide. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est quoi qui n'existait pas? Le flamant rose n'existait pas. C'est mignon, c'est dommage parce que ça pourrait faire un bon film, je suis sûr. Oui. Hein? Alors, Bunny Opération Pussy est un film sorti en 2020 qui dure 1h24 minutes. C'est déjà beaucoup trop. Est un film finlandais. C'est finlandais, d'accord. Bah, ouais. Sélection officielle du festival de l'Alpe d'Huez. C'est de... finlandais comme Sonata Arctica. Attends, excuse-moi. Sélection officielle du, du film du festival de l'Alpe d'Huez en 2018. Non, mais attends. Il est sorti en VOD le 1er avril 2020. C'est quoi le festival de l'Alpe d'Huez, c'est aucune quoi idée, c'est sur l'affiche. C'est pas possible, ils ont pas montré. Il y a le festival de Gérardmer et il y a le festival de l'Alpe d'Huez. Ils ont pas montré ça. Oui, c'est le festival de quoi, c'est le festival de... C'est le festival du film comique, je crois. Ah bon, les films fantastiques les comiques, qu'ils ont copié à Gérardmer. Bah, je crois. Ah oui, oui, je crois que l'Alpe d'Huez, effectivement, c'est consacré à une comédie. Et c'est censé être... C'est vraiment un cinéphile. Attends, et c'est censé être drôle, un gros lapin avec une grosse bite. Ouais. C'est une parodie. Bah, c'est super drôle, en fait, quand il réfléchit, Mathieu, vraiment. Bah, j'ai beau y réfléchir, franchement, je préfère le flamant rose, là. Ouais, j'avoue, un flamant rose avec une grosse bite, c'est marrant aussi. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont roses, au moins? Ce qu'ils mangent, oui, des crevettes. De ce qu'ils mangent. Et du coup, s'ils bouffaient autre c'est chose, une victoire. Large. Large. Je dis ça comme ça. Large. À moins qu'il y ait un dernier twist. Question bonus, question bonus qui coûte 3 points, peut-être, non? Non. Bah, on peut en faire plein. Allez, ça va durer un moment encore. Bah non, parce qu'on gagnera à chaque fois. Voilà. Mais t'as préparé une question pour nous départager. Oui, j'avais pas. Faut la faire. Faut le faire. Mais non, mais c'est bon, vous avez gagné. Mais non, mais je veux bon, gagner encore voilà plus. On va faire les boubou ouin ouin pendant une semaine et après on va crier à la belle. Je la garde pour un autre quiz, celle-là. Bah, oui, ah bah oui. Ah, bah... J'espère que c'est une question qui portera sur Scorsese. Ça, c'est pas passé. J'espère que hein tu mets les doigts en avant quand tu fais ouais, ça. Ouais, je fais les Scorsese. Ouais, carrément. Ouais. C'est pas vraiment comme ça qu'on ah dit. Ah oui, hein. Alors comment on dit, Julien? Vas-y, dis-moi. On dit Scorsese. Je crois qu'il nous a donné 4 versions de dire Scorsese, c'est ça. Ouais, mais après, ouais. Scorsese, avec les... Est-ce qu'il y a une petite musique pour notre victoire éclatante? Il n'y a pas un jingle, pas du tout? Non. Ah, ils ont vraiment gagné le... Oui, ils ont gagné. Bah, c'est oui, une victoire. Gagné. Voilà, c'est une victoire, 6 contre 3. Bah, bravo. Bravo. Voilà. Et eh ben, merci de nous avoir suivis. J'ai gagné, c'est bon. Non, c'était franchement, c'était un très beau match. Merci encore Yannick. Merci pour ces questions, parce que vraiment il y a du travail derrière. Ouais, bravo, il y a de... Avec plaisir, cordialement. Vraiment, faut que tu nettoies ton historique parce que vraiment il y a des choses très bizarres. Et je fais ça pour vous. Oh. Ouais, mais il faut que tu nettoies ton historique de recherche, hein, parce que là ça va plus être possible. Je me mets en navigation privée, comme ça il n'y a pas d'historique. Ok, bon, bah alors tout va bien. Mais c'était encore une fois un très beau match. Et je me dis qu'on a fait le match. On a pas eu des adversaires valeureux. C'est vrai. Ça a été une. On n'a pas eu besoin de points de ralage aussi. Ouais. C'était bien. Voilà. Parce qu'on a été. Ben, en même temps, est-ce que tu en avais? Des points de ralage? Moi j'ai tout, moi. J'ai tout ce que je veux, tu comprends pas ça? Cette victoire et ce match, c'était beau comme un film de Scorcase. Scorcasio. Scorcasio. Tu sais, c'est le mec qui a réalisé... Ouais, vos gueules, vous avez perdu. Faites pas chier, ça va. Hein? Oui, non, bah non. Alors c'est vrai que c'était une défaite, on est un peu déçus, mais il y a quand même un point positif, c'est que tout ça est enfin fini. Voilà, à moins qu'on crie à la belle, parce qu'il y a eu le match, il y a eu la revanche, et peut-être qu'on criera à la belle. Non, on va la crier belle. Non, on crie à rien du tout. Et voilà. Ah, mais moi, j'aimerais bien, on ne sait pas, d'ici quelques mois, ou peut-être années, nous retrouver tous les cinq là pour... Pour une petite raclette. Une petite raclette, voilà. Bah, on se voit samedi de toute bah façon, oui, donc tout va bien. Samedi. Voilà. Michidar, tu n'oublies pas les patates comme oui la dernière fois. Bah, comment ça tu veux que je prenne les patates comme la dernière fois ou tu dis que j'ai oublié les patates la dernière fois? T'as oublié moi les patates. Moi, je n'oublie jamais rien, si je suis pouvais... parfait, madame. Si tu pouvais vider la viande vider avant de la mettre avant four, de la mettre au four... Il n'y avait pas une histoire comme ça, que tu avais cuit de la viande? Ah dans non, pochon. J'ai laissé le pochon, le cellophane. J'ai laissé le cellophane du rôti de bœuf que j'ai servi à David. C'est dégueulasse. Non, ça n'a aucune incidence sur le goût. C'était un cellophane qui était alimentairement compatible. Mangeable. Non, il n'était pas mangeable, mais d'accord, il n'avait pas de... C'était un cellophane qui était fait, en fait, on s'en est rendu compte en le mangeant après, qui était fait exprès pour la cuisson, ça allait quoi. C'est le boucher même. Ah, pour manger... Enfin, c'est pas un truc qui avait fondu complètement, aggloméré sur le rôti quoi. Là, j'aurais pas servi le truc quand même. C'est vrai, que tu... j'avoue. Tu mais en tout dis... cas, c'était une bonne émission. Oui. En plus, on s'est tenu à carreau. J'espère que Circé et toutes les personnes qui nous écoutent en nageant ne se sont pas noyées. Hein, je pense à G-Code aussi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Circé, on avait... Ah. On n'avait pas une petite surprise pour notre ami Circé qui nous écoute en agent. Alors, ah oui, par contre, il y a un truc, c'est que j'ai hasard du calendrier, j'ai écouté le dernier numéro de l'Odyssée de Circé cet après-midi, et c'était sur Apollo 13 et l'étoffe des héros. Et ma chère Circé, moi, ma scène préférée, en tout cas celle qui me reste le plus en tête de l'étoffe des héros, c'est Ed Harris qui souffle dans un tube où il y a de l'eau avec une balle de ping-pong et qui la fait tenir en l'air super, super longtemps en ayant l'air de ne pas y toucher et même en arguant un petit peu les autres mecs du programme. Voilà, Circé, je t'embrasse. Moi, ma scène qui m'a un peu toujours marquée dans ce film, c'est... Comment faire rentrer ceci dans cela. Ah, ça, c'est dans Apollo 13, ça. Avec dans Apollo 13, dans un gros tuyau rond et avec une entrée carrée. Et ils ont ceci sur place. Non, mais c'était sûr qu'ils allaient s'en sortir de toute façon. Ouais, ils avaient Tom Hanks à bord. C'est sûr. Et Ed Harris sur scène, sur Terre. Ed Harris aussi, effectivement. Ed Harris est dans les deux films, en fait. Je viens de réaliser. Oui, tout à fait. Oui, il est sur Terre en train de les diriger. D'ailleurs, il a un nouveau veston que sa femme lui a préparé. Donc, il a fait deux films de Scorsese. Ouais, c'est ça. La fameuse étoffe des héros et Apollo 13 de Scorsese. Il souffle pas dans un petit tube dans Apollo 13, en fait. On est en train de niquer l'émission de Circé. Bravo. Non, mais en tout cas, allez écouter l'Odyssée de Circé. En plus d'avoir une belle voix, c'est super bien monté. Ce qu'elle raconte, c'est magnifique. Attends, t'es en train de dire que Circé est super bien monté? Ça n'engage que toi, hein. Oui, mais je pense qu'elle va confirmer. Yaya, tu voulais nous proposer quelque chose d'ailleurs pour clôturer. Cet épisode. Non, pour clore, s'il vous plaît. Pour clore. Ah, ils ont été ah oui, parce que j'aime faire taper dessus par Walter. Déjà oui. Nous. Et Walter. Et puis même par Walter aussi. Alors d'ailleurs, ouais, promo. D'ailleurs, vous pouvez entendre Ego et Michidar dans Oxymut, hein, puisque nous sommes tous les samedis présents dans les épisodes. Il y a Mini aussi dans Oxymut. Ah, c'est toi, Fanny. Non, il y a Fanny Como. Il y a Fanny aussi. Voilà. Et il y aura bientôt dans les... Ah, mais on pourra bientôt entendre Bounette. Incroyable. Je savais qu'il y avait Nini. Moi, je me suis refusé à lire. Je ne connais que ce que j'ai dit, moi. Moi, quand je prends un rôle, je lis tout le script. Ah non, moi, je peux pas. J'arrive. Pour pouvoir interpréter tous les rôles au cas où. Oh. Oui, il faut que tu. Oui, c'est vrai que toi, mégalo. Nico, tu le savais, parce qu'en plus, tu as fait les musiques certaines scènes où je suis. Oui. Mais c'est vrai que Michidar. Moi, j'essaie d'en savoir le moins possible, comme ça, je m'éclate. Je m'éclate à chaque fois que j'écoute, et Walter fait un travail incroyable. Non, mais j'arrive, je suis vers l'épisode 9 ou 10 avec Loli. Ah, bah, Loli est arrivée il n'y a pas longtemps. Elle vient d'arriver, voilà. Donc, je ne serai pas très loin. Voilà. Donc, écouter Oxymut, c'est très bien. C'est très bien. Puis voilà, mais même sans Bibounette, il faut écouter Oxymut, il faut écouter Walter. Dallas, reprenons. Voilà. Dallas. On arrête un peu les pubs des autres podcasts. Voilà. Et d'ailleurs, on dit parce que sinon, on va parler des pourfendeurs. Je reviens sur un truc qui m'a un peu énervé. On dit pas clôturer, on dit clôture. Avec la main toujours. Clôtures. Yannick, impose-toi. Oui. Faut que tu muscles ton jeu, Robert. Robert. Non, mais moi, je suis un gentil. Non, on a voulu faire un petit truc pour notre ami Circé, qu'on apprécie beaucoup. Et en plus, vu comme c'est sa chanson préférée. Ah oui, un bel hommage. Hein, j'ai même envie de dire, je pense que s'il y avait un titre qui la représentait qui la résumait, ce serait celui-là. Complètement. C'est exactement ça. Et on avait envie de tous chanter sa chanson préférée. Alors, on avait tous envie. Et puis après, quand on a commencé à la chanter, on avait dit que c'était une moins bonne idée. Mais c'était trop tard. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, et pas que dans le montage, si je peux me permettre, et le mixage, mais je sens que les gens y ont mis du cœur quand même, hein, parce que... D'ailleurs, Mathieu, il y a qui dans cette chanson? Ah, c'est à moi qu'il faut... sais rien, moi, je sais plus. C'est toi qui as fait le montage. Mais, attends, il a voulu tout oublier après. Faut que j'ouvre Cubase. J'espère que ça va pas faire bloquer le. Oh non. Non, oh si, non. Attends. Oh non, Attends, je vais trouver ailleurs. Attends. Mathieu, normalement dans cette sitcom, tu cites tout le monde. Oui, dans mais comme tu cites tout le monde. Moi, là, il y a une petite chorale pour la chanson préférée. Là, attends. À moins que Yaya, tu avais déjà noté les noms et tu voulais non, parce faire. Que j'ai pas tous ceux qui ont été envoyés. Alors, deux secondes, je vais vous dire en fonction des noms des gens. Et normalement, allez. Ça devrait le faire. Alors, podcast, c'est moi. Stucom, parce que je nous ai mis dans le dossier de Stucom. Versus Bibi. Voilà. Ah, alors, versus j'ai Bibi. Clégo. Ah. J'ai Faille. J'ai oui. Ego. J'ai Céline. J'ai Chris. C'est qu'est-ce qui, hein? Oui. Draven, j'ai Debrofi, Merlin. Non, c'est pas Chris. Cos... Oui, Merlin, si, ouais. C'est Chris. J'ai un Chris. Non, c'est pas Chris Yugiami. Si, c'est ah, Chris pardon, Yugiami désolé. Parce que c'est Team Galaxy ah, Pop. Désolé, c'est pardon. Pas grave. Désolé, Chris. Pas de soucis. Cosmic Beast, Winnie Taniguchi, Dallas, Isa. Et Bibou, Bibounette et XP aussi. Et, oui, et moi, toi et voilà, je pense qu'on a fait. Pour rattraper tout ça, Michida. Je pense, je vérifie que j'ai pas oublié quelqu'un, mais je pense que c'est ça. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu vois, CRCNA, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont passer comme titre? Mais qu'est-ce qu'ils vont chanter? Mais ils savent même pas ce que c'est ma chanson préférée. Mais si et on moi, sait. Je suis là en train mais de nager. Sait. Mais si on, on sait, lit en, Circe, on le lit sait. En toi comme dans un livre ouvert. Mais oui, voilà. Voilà. Et on pense fort à toi. Et puis on a chanté pour toi. Ouais. Voilà. Des bisous. Tout simplement. Des bisous, les amis. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, l'univers s'emballe, les fusées crachent du sang. Oh, Oh là là. Merci beaucoup Yannick, c'était, ah ouais, c'était une très très bonne idée. Génial. Et en plus ça rend vraiment hommage à ce film. Ouais. On pouvait pas trouver mieux. Donc c'est toi qui fais le montage Yannick. Même pas, il me l'a refilé. Bah, écoute, hein, bonne chance Yannick. Salaud. Salut. Et on peut en profiter pour faire un gros bisou à Circé. Ah oui, dans les petits messages de fin, donc ouais. Gros bisous Circé. Gros bisous. Plein de force et plein de courage, mais surtout que la force soit avec toi. Ouais, parce que là, il nous en a, il va, il en a avoir fallu besoin. De la force. C'est ça. Des bisous. Gros bisous. Anglicized or Americanized way to say this name from Italian. In Italian, the typical Italian pronunciation would be Scorsese. Scorsese. So not Scorsese, but rather Scorsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese. But it'd be fine to say Martin Scorsese. I would personally say Martin Scorsese rather than Martin Scorsese. But it's up to you. Just so you know.